Kim. Oh, elle est monstrueuse, celle-là. Le but de cette finale. C'est fini, Loulou Nicolas. Montpellier, René Girard, il se prie. Il se penche en France. On est les champions, putain! On est les champions! Bonsoir à tous et bienvenue sur Sport and Chill. C'est la saison 3, épisode 15. Et c'est la première émission de l'année 2018. Ouais. J'en profite pour vous dire la bonne année à tout le monde, notamment à tous nos chillers ce soir. Donc aujourd'hui, on va parler notamment de le point à la mi-saison sur les championnats donc de football, un championnat étranger évidemment, mais aussi de la Ligue 1. Le point également sur la saison en NBA, parce que ça a joué pendant ses vacances, avec de beaux matchs d'ailleurs. Le point sur la pré-saison de tennis avec l'arrivée d'ailleurs de l'Australian Open qui arrive bientôt. Et puis un point dernièrement sur tous les clubs montpelliérains. Donc les clubs montpelliérains qui ont tous gagné d'ailleurs ce week-end, donc belle performance à eux. Le débat sera consacré donc à la saison des sports d'hiver, notamment une saison marquée par les Jeux Olympiques cette année, hein, ouais. 2018. Et nous finirons, comme d'habitude, par l'auto-chiller sur nos attentes de l'année et le quiz, comme d'habitude évidemment. Ce soir, donc nos chillers à ma gauche, il y a Dimitri et Théo. Salut les gars. Meilleurs vœux, bonne année. Bonne année, salut à tous. Meilleurs vœux à tous. Enfin, voilà. Les fêtes sont terminées. Le dernier, c'est Guillaume. C'est que je suis pas un grand friand de ces fêtes-là. Hein. Ah. Trop de. Tout le monde s'aime, tout le monde s'en fait des cadeaux. Pourtant, il y a les galettes, hein, début d'année. Ouais, c'est un des bons côtés des fêtes, ouais, c'est vrai. On a aussi notre dernier chillers qui va revenir d'ailleurs cette année sur Montpellier. On est très contents de ça. Il y a Romain qui est au téléphone avec nous. Salut Romain. Et bonsoir messieurs, ravi de vous retrouver en 2018 et la bonne année à vous et fais gaffe aux galettes Guillaume. Voilà. Ouais, je fais plus gaffe à ça maintenant, tu le sais. Allez, je sais bien. On va commencer tout de suite sur Sport and Chill. Sport and Chill, tous les lundis de 19 à 21h sur Radio Campus Montpellier. J'ai un doute, mais t'as cité la Coupe du Monde dans les grands événements de l'année ou non? Bah non, je pas ça comme. Non, mais on va pas parler. C'est un petit truc. Ça, on va pas parler surtout de la Coupe du Monde. On va parler le point en fait actuellement où on en est dans les championnats étrangers. Et du coup, on va commencer avec le football. On va pas faire de résultats, mais on va parler premièrement de la Première Ligue, si vous voulez bien. Celle qui a beaucoup joué aussi. Ouais. 20 victoires en 22 matchs, aucune défaite, 15 points sur son Dauphin United. Est-ce que City a pour vous déjà remporté la Première Ligue? Est-ce qu'ils peuvent aller loin en Champions League du coup pour vous? Alors oui, je pense qu'en Angleterre c'est fait déjà. On l'a fait un petit moment déjà qu'on le dit. Je pense qu'avec la victoire dans le derby en plus à Old Trafford, ils ont marqué un point d'or qu'ils étaient vraiment le leader incontesté. Et je pense que oui, en Ligue des Champions, vu leur effectif qui est assez complet cette année, je crois qu'il y a pas mal de postes qui sont doublés. Et puis il y a plein de joueurs qui arrivent vraiment dans une sauce d'apogée qui doivent prouver au plus haut niveau européen. Et je pense qu'ils sont capables d'aller au moins jusqu'à la finale, peut-être plus. Quoi. Surtout que leur tirage est abordable en 8ème de finale, ils prennent une balle. Pareil, je suis d'accord avec Guillaume, le titre assuré, ça va être pour les places d'honneur. Ça. Il va y avoir du suspense entre United, Chelsea, Liverpool. On en parlera juste après. Et après aussi, ils ont, enfin, certes, sur ce tirage-là, il est favorable, mais aussi, il faut dire que cette année, à part peut-être le Barça qui est dans une belle année et qui peut monter en puissance aussi en Ligue des Champions, on a un Real qui n'est pas très très bien non plus, qui est en début de crise. Un Bayern aussi qui se reconstruit difficilement, ouais. Mais ça va. Et puis, tu as aussi quand même une Juve aussi qui est aussi en Serie A et quand même moins bonne dans les stats. En Ligue des Champions aussi. Ah, attendez, parce que quand même, je pense que des clubs comme il y a le mercato de janvier. Vous savez que le mercato de janvier est très. On va essayer de se concentrer pour l'instant sur City, si vous voulez bien. C'est City. Je pense que oui, le championnat est plié pour eux. Ils ont battu pratiquement tous les gros. La seule dernière confrontation qui leur manque, c'est je crois Liverpool ce mois-ci. Et sinon, peut-être que si une élimination prématurée en Ligue des Champions peut-être renverser le cours de la saison. Mais je pense que 15 points d'avance, je peux pas payer. Qui est l'acteur clé? Quand je dis acteur, ça peut être évidemment soit l'entraîneur, soit un des joueurs qui a fait progresser City cette année. Est-ce que ça peut être Guardiola, De Bruyne, peut-être la défense solide cette année? Le gardien d'ailleurs, Ederson, qui est très bon aussi. Qui fait du bon boulot. Après, moi, je suis un grand fan de Guardiola dans les idées de jeu, tout ça. Et puis, il faut remarquer qu'aussi, pour avoir vu des matchs de City, il y a des joueurs que j'avais jamais vus à ce niveau-là, quoi, honnêtement. Après, des mecs comme De Bruyne, tout ça, on sait que c'est des super joueurs, il n'y a pas débat. Mais un mec comme Fernandinho, je trouve qu'avec City, avec Pep Guardiola à sa tête, il a une façon de jouer qui est bien différente et je trouve qu'il est bien meilleur qu'auparavant. Donc, je pense vraiment que, outre les idées de jeu, il y a en plus cette capacité à monter des joueurs dans son système au plus haut niveau. Qui est encore plus gratifiant pour Guardiola, quoi. N'hésite pas d'ailleurs, Romain, si tu veux intervenir, à nous couper la parole. Mais je suis assez d'accord avec ce qui a été dit sur City et je suis assez impressionné. Pour moi, c'est l'équipe, même en Europe actuellement, qui m'épate le plus. Mais après, il y aura le pas entre le jeu déployé et ce qu'ils seront capables de faire au niveau européen, parce que c'est là où on les attend depuis quelques saisons. Mais après, rassure-toi. Romain, c'est un constat que je fais actuellement. Je sais que ton Real chéri va quand même monter en puissance au début de février et sera là pour le PSG. Comme beaucoup d'autres groupes, d'ailleurs. Deuxième question sur la première ligue et notamment sur, on l'a vu, donc le départ de Coutinho qui est parti de Liverpool hier. Est-ce que ça va, ou avant-hier d'ailleurs, au Barça d'ailleurs, il y a quelques jours. Est-ce que ça va jouer sur les performances de Liverpool ou pas pour vous? Non, pas vraiment. Déjà, vous avez vu la grande arrivée qu'ils ont eue, Virgil van Dijk. Le défenseur le plus cher au monde. Ouais. Ouais, 75 millions. Dès ce premier match, il a marqué. Et je pense que le point faible de Liverpool, ce qu'on dénote tous, c'était la défense. Et ils ont toujours Salah, Mané, Salah qui est le meilleur joueur africain. Et je pense que l'absence de Coutinho ne va pas forcément se faire ressentir. Les dernières rumeurs annonçaient Mahrez et aussi Naby Keita, je crois, qui devait aller à Liverpool. Mahrez, ça serait un très bon choix pour moi, honnêtement. Est-ce que ça pourra concurrencer la place de Coutinho? Après, honnêtement, pour avoir vu quelques matchs de Liverpool cette année, je trouve qu'ils étaient moins dépendants de Coutinho cette année, par rapport à l'an dernier, par exemple. Et ça se voit en termes de stats aussi. Donc, je pense que ce départ sera pas si terrible. Je vois quand même Liverpool un vrai outsider. Puis en plus, si t'as techniquement un mec comme Mahrez qui vient à le remplacer, tu perds pas énormément en change non plus. Hein. Moi, je suis pas très enthousiaste pour le départ de Mahrez en janvier parce qu'il y a déjà devant, il y a une puissance de feu. Et pour lui, dans l'optique de la Coupe du Monde, à Leicester, il est installé à 6 mois de la Coupe du Monde. Après, lui était à Liverpool. Le départ de Coutinho, quoi qu'il arrive, il est extrêmement bénéfique. Il récupère 160 millions d'euros. Plus 42 bonus. Ils épongent un peu le transfert qui était très onéreux de Van Dijk. Je sais pas si 75 millions. T'as de la marge et tu peux même trouver des solutions après en défense. Surtout que Mahrez, je pense, peut partir à un prix raisonnable. Oui. Donc, ça sera toujours moins cher. C'est une bonne opération. C'est sûr financière. Je pense que ça serait pas un mal sportif. À noter qu'un transfert moins médiatisé était fait aussi pour Liverpool. C'est Emre Can qui part pour aller à la Juve. Et donc, je crois même qu'il part gratuit. Très peu utilisé. Pourtant, c'est un joueur qui a eu des beaux mois, on va dire, plutôt que des belles années, c'est vrai. Mais on sent qu'il y a un jeu offensif et une technique qui est quand même bien. Je pense que j'ai envie de le suivre aussi. Tu vois. Ça sent un coup à la Pogba, ça. Ça peut exploser un peu plus tard, peut-être. Je sais pas. Dernière question, Première Ligue. Qui sont les deux pour vous qui passeront à la trappe pour la Ligue des Champions? Donc, entre United, sachant que normalement, je pense que City devrait finir premier. Ouais. United, Chelsea, Liverpool, Arsenal et Tottenham qui sont toujours en course pour. Enfin, tout le monde est en course évidemment, mais c'est surtout ces clubs-là qui sont en course pour la Première Ligue, pour la Champions League, pardon. Arsenal qui passera à travers. Le classement, aussi, je crois que c'est Tottenham et Arsenal qui sont dehors. Tottenham qui est 5 avec 41 points, Arsenal qui est 6 avec 39. Ouais, donc tout dépend. Pour vous, ça serait de là ou pas? Ouais, je crois qu'en fait, ça va pas bouger. Ouais. Tottenham va être peut-être beaucoup pris sur la Champions League. Hein. Ouais, je vais en miser sur ça, à mon avis. Ouais. Arsenal, je suis quasiment sûr qu'ils seront pas dans les 4. Tottenham, j'y mettrai un doute, à part si Chelsea s'écroule un petit peu et est vite sorti de la Ligue des Champions. Moi, je pense quand même Chelsea solide, donc je vois quand même pas bouger niveau 5 et 6, ça bougera pas, je pense. Ok. Ouais, non, moi, Tottenham, je pense, peut largement prétendre. Surtout si Kane reste sur son début de saison, ils peuvent prétendre une place dans les 4. Surtout que je vois, moi, plus Chelsea un peu s'écrouler. On sait que Conte va sûrement partir à la fin de la saison. Ouais. Donc, après, moi, Chelsea, je vois sortir vite de Ligue des Champions. Enfin, je les vois sortir contre le Barça, donc je me dis qu'ils vont quand même réussir à ressouder. Ouais. Ok. On va après, l'autre, c'est Liverpool, c'est ça? Ouais, Liverpool est 4e. Ah, oui. Tu vois, il y aurait match entre Liverpool et Tottenham, par contre, ouais. pour moi. Bah après, c'est pas encore fini, mais pourquoi pas. Ouais, alors ouais, sur, tu vois, j'avais pas pensé, j'avais oublié Liverpool. Liverpool 4, prennent pas un gros non plus, je crois, ouais. en Champions League. Si ouais, Liverpool-Tottenham, tu vois, je mets même, autant en Arsenal, je suis quasiment sûr qu'ils seront pas dans les 4. Porto. Mais entre Liverpool et Tottenham, tu vois, je pense que ça va être serré. Ok, on va passer à un championnat qui intéresse plus notre ami Romain. Tu parles de la Hollande ? Oui, bien sûr. la Liga, avec une question un peu semblable d'ailleurs. Barcelone a déjà 6 points d'avance sur l'Atlético qui est deuxième. Bien sûr, le Real. Un match en moins d'ailleurs pour le Barça. Est-ce que l'Atlético peut reprendre hypothétiquement donc 9 points en Barça, voire même 10 points pour Valence de retard d'ailleurs sur le Barça s'ils gagnent leur match de retard. Et le Real encore plus loin. Ouais, 16 points. Est-ce que pour vous, le Barça peut se faire reprendre d'ailleurs, Romain, tu peux commencer là-dessus. Objectivement, j'y crois moyennement. Après, juste, j'aime beaucoup la première ligue aussi, hein, qu'on ne fasse pas dire des choses que je. Et la Hollande. Mais non, pour le Barça, je les vois vraiment souverains cette année en Liga. Après, à voir ce que ça donnera pour eux au niveau européen. Mais je pense que c'est un très fort outsider également. Et au niveau de la Liga, l'Atlético peut être effectivement assez surprenant. On les pensait en fin de cycle, mais je pense que la sortie finalement de la Ligue des Champions prématurée est dure pour eux, bien sûr, mais leur permet de se reconcentrer à fond sur la Liga. Et ils peuvent vraiment accrocher sans doute la seconde place. Même avec le recrutement de Diego Costa, qui a fait fort de buts, hein, déjà un carton rouge, je ne vois pas forcément être capable de revenir sur le Barça qui produit un très beau jeu. Et puis après, il y avait cet inconnu autour du FC Valence, hein, parce qu'on ne parlera même pas du Real, qui pour moi est cuit totalement en Liga et qui essaiera juste de tenter d'accrocher la place de on en juste après en Ligue des Champions. Voilà, on pourra en parler après. Mais quant à Valence, qui était surprenant et qui tenait le rythme du Barça, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on sent qui sont en train d'accuser un peu le coup, qu'ils ont perdu vraiment leur place pour jouer le titre et ils vont se concentrer sur une place en Ligue des Champions qui serait déjà un super résultat pour cette équipe qui avait trop longtemps disparu des coupes. Dimitri, je voulais Par rapport à Atlético, j'attends de voir comment ils vont gérer l'Europa League parce qu'ils ne sont pas complètement éliminés de compétition européenne et on sait que l'Europa League c'est des matchs le jeudi soir donc ouais, ça pèse aussi. Peser aussi. Surtout que c'est un objectif largement affiché de l'Atlético. Ouais. Ils ont une histoire particulière avec eux en plus. Ouais. Donc ils vont peut-être y laisser un peu d'énergie. Après la question c'est peut-être plus est-ce que le Real peut terminer hors du top 3? Bah oui, moi j'avais une autre question pour le Real. Est-ce que si Zidane ne gagne pas la Champions League ni le championnat, est-ce que c'est la fin de son contrat pour le Real? Je pense qu'ils vont quand même laisser une petite chance sur cette année-là vu les dernières années qui ont quand même été positives, mais après je pense que l'an prochain il n'y aura pas le droit à l'erreur dans un club comme le Real. Je pense que l'an prochain s'il ne gagne rien tout dépend de son parcours en Ligue des Champions. S'il voilà. sortir en 8ème de finale, on est d'accord que pour le Real même gagner une coupe du roi ça suffit pas, deux années d'affilée ça suffira pas. Donc ouais, c'est dangereux pour le Real puisqu'ils affrontent le PSG qui est en super forme en 8ème. Donc c'est l'année un peu de tous les dangers. À voir comment cette année toujours sur la Ligue des Champions, rebondir. C'est sûr. Romain. Bon, après voilà, c'est vrai que la Ligue des Champions c'est leur grande compétition, mais moi-même supporter du Real, je suis assez inquiet au vu de la dynamique en tout cas pour les matchs des 8ème contre le PSG qui est en grande forme. La Coupe du Roi ce serait insuffisant clairement pour un club comme le Real, mais en tout cas en l'état actuel des choses, avec le jeu qu'ils produisent, c'est tout ce qu'ils peuvent espérer pour remporter un titre. Après on espère vraiment les voir, en tout cas moi vraiment monter d'un gros cran leur niveau de jeu et leur efficacité aussi devant le but, parce que c'est ce qui leur fait cruellement défaut actuellement. Et après pour ce qui est de Zidane, je pense que il faut voir, vu tout ce qu'il a emporté jusqu'à présent, ce serait vraiment très dur d'y voir carrément la fin de son contrat. Après il y a eu des grosses fautes de recrutement, on va peut-être pas y revenir dans le détail. Le manque de banc déjà, ouais. Je pense aussi que voilà, je pense qu'il y a une question aussi à se poser de ce côté-là et qui dépend qu'en partie de Zidane. Moi Zidane, je l'attends vraiment au tournant l'année prochaine parce que il faut pas oublier qu'il a récupéré l'équipe de Benitez. L'équipe était déjà complètement faite. Il a su gérer des stars. Là-dessus, je ne lui enlève pas. Mais j'attends de voir son recrutement, c'est-à-dire les après Kroos, les après Marcelo, parce qu'il y a certains joueurs qui commencent à arriver en fin de contrat. Est-ce qu'ils sont encore au club quand ils sont... Non, oui, mais justement, il a quand même gagné des trophées, donc je pense que ça lui permet de... une certaine légitimité. Donc on va dire, on attend l'été prochain, comment il va gérer, qui va acheter, qui va prendre, créer son nouveau... Voir dès cet hiver. Oui, parce que je pense En tout cas, c'est ce qui est annoncé. Après, je pense qu'ils misent sur des transferts qui sont compliqués à la mi-saison, par contre. Mais il faut recruter, en tout cas pour un club comme le Real. Je vais te poser la question. Parce que j'ai vu, il y a une rumeur comme quoi il y a une division par rapport à un joueur de Bilbao qui s'appelle Kepa, je crois. Oui. Et je crois qu'il y a des... C'est un gardien ? Qui est un gardien, donc ce serait plutôt pour mettre en concurrence avec Keylor Navas. Alors c'est intéressant, mais comment dire, jeune, pas forcément le poste qui a le plus devant, à couvrir au Real. Alors il y a plus un chantier, ça peut paraître paradoxal au vu de ce qu'ils ont prouvé avant, mais devant, sur les attaquants. Concrètement, si Benzema est blessé, comment on fait, quoi du trio habituel offensif, puis surtout Bale est lui efficace mais souvent blessé, donc faudra voir si le Real est capable de recruter à ce poste là bon, il y a beaucoup de rumeurs, on parle d'Icardi, vrai, mais on parle d'Icardi, on a parlé un temps de Kane, mais qui a été annoncé à plus de 300 millions 337 millions ça sera pas pour cet hiver déjà, donc je pense que ce sera pas pour cet hiver, mais déjà faut faire un coup un peu moindre pour au moins un remplaçant plus digne à Benzema, quoi. Oui, c'est sûr. Les gars, on va peut-être passer un petit peu, parce que sinon on va parler trop de Liga, bien sûr. On va passer à la Serie A sur ce coup-là. Donc peut-être le seul championnat où encore il y a beaucoup de suspense. Ouais. Puisque malgré un écrémage. Pas pour le Milan par contre. Non, il y a eu un écrémage quand même pendant ces vacances où il y a l'Inter et la Roma qui ont perdu beaucoup de points d'ailleurs. Seul Naples et donc la Juve qui sont coude à coude pour le Scudetto. Ouais. Est-ce que vous pensez donc comme moi que Naples va délaisser l'Europa League cette année, sachant qu'ils jouent en plus contre Leipzig en 16e, donc c'est pas non plus n'importe qui en face, pour jouer à fond la Serie A, sachant que la Juve risque surtout de se consacrer sur la Champions League. C'est fort probable, vu le dernier match de Ligue des Champions que j'ai vu, j'ai pas reconnu Naples quasiment, donc je pense que oui, effectivement, surtout qu'en plus, voilà, ça serait vraiment historique qu'ils aillent chercher une Serie A, même si ça c'est pas encore fait. Je suis pas d'accord avec toi, l'Europa League c'est quand même un trophée qui est quand même qui est quand même ouais, mais c'est un trophée qui est long à avoir, obtenir. Je veux dire, obtenir. C'est beaucoup de matchs aller-retour. En fait, concrètement, ça joue le jeudi. Et aussi, en même temps, c'est un accessite pour directement la Ligue Champion. Moi, je me demande ce que les dirigeants pensent. Est-ce qu'il est plus important d'aller gagner une Coupe européenne qui est plus longue à aller chercher, sur ce que j'ai vu? Ben oui, largement, parce que c'est plus historique. Et puis, honnêtement, tu peux pas, quand t'es Naples, que tu joues le titre à mi-saison, te dire voilà, je peux me permettre de faire l'Europa League et la Serie A. Ils savent que c'est, il faut choisir, faire un choix, et ça sera plus vers la Serie A parce que c'est plus historique, et que pour un club comme Naples, ça serait tout simplement incroyable qu'ils retrouvent la Serie A. Totalement. Et puis un petit info recrutement pour Naples, Zinedine Masash. T'as que des infos recrutement, toi, dis donc. Ouais, on est en plein jeu comme Mekato. Donc, Zinedine Masash est en partant vers Naples bientôt. Ça, c'est une sacrée surprise. Mais pour revenir sur Naples, est-ce que tu disais, Flo, on voit qu'ils ont délaissé la Coupe d'Italie, ils perdent 2-1 contre l'Atalanta à domicile. Oui, il n'y a plus qu'un seul objectif. Voilà, je pense qu'il n'y a plus qu'un seul objectif, c'est le Scudetto. S'ils font un bon parcours en Europa League, ils ne vont pas cracher dessus. Faut être clair. Ils vont faire tourner. Ils vont faire tourner. Enfin bon, c'est Leipzig en 16e. Bon, c'est pas n'importe qui non plus. C'est pas facile non plus. Ouais. C'est pas n'importe qui, mais c'est pas l'Atlético de Madrid non plus. Tu vois, bizarrement, les clubs italiens, contre les clubs allemands, généralement, les clubs italiens, ils ont plutôt du mal. Donc, ouais, c'est vrai. Là, bizarrement, tu vois, autant je pense que Naples est une meilleure équipe que Leipzig, mais à parier, je mettrais Leipzig là. Bizarrement, tu vois. Ok. Personne à rajouter là-dessus, ni Romain non plus. Une pensée. Non, je suis du même avis. Ok, bon, très bien. Dernier grand championnat, je pense qu'on va pas beaucoup en parler parce que malheureusement, je vois pas grand chose de à quoi dire. On va parler. Le Bayern solid leader avec 11 points, donc en Bundesliga. Ce qui est intéressant, c'est que ça reste la course à la Champions League avec 7 équipes avec 4 points d'écart. Dortmund qui a une grande difficulté. Je les cite dans l'ordre. Ouais, mais Dortmund est quand même 3ème. Schalke 2ème, Dortmund 3ème, Leverkusen, Leipzig, Gladbach, Hoffenheim et Francfort qui sont encore à peu près dans la course pour la Champions League. Sachant que c'est les quatre premiers d'ailleurs, donc Bayern, Schalke, Dortmund et Leverkusen, ça ressemble un peu à la Bundesliga des années 2000, donc pas de réel changement. Ouais. Est-ce que vous voulez approfondir Dortmund sur la Bundesliga, qui est devancé par son rival, c'est quand même une petite surprise déjà. Puis après, c'est le retour de Schalke, Schalke, ça fait un petit moment qu'on le voyait plus trop en Ligue des Champions. Il y a 2 ans, il était au plus bas. Hein. Je me rappelle qu'ils avaient dû virer Boateng avec un autre joueur. Cycle aussi, ça a été compliqué de revenir. Ils avaient lutté pour leur éviter la relégation. Non, mais c'est Dortmund après a fait avec le licenciement de Peter Bosz et l'arrivée de l'ancien entraîneur du FC Köln. Un nouveau cycle qui a démarré. peuvent lancer un nouveau cycle, et je pense que le fait de dépasser son rival historique peut être un bon objectif. Après, comme tu dis, là, c'est... Est-ce que, c'est... à l'inverse de Naples, ce serait peut-être pas l'Europa League qu'ils ont cherché cette année, Dortmund? C'est possible. Est-ce qu'ils ont l'effectif pour... Je sais pas. Ils ont la profondeur, mais en venant à Dortmund, l'entraîneur qui est en place, là, il est en place pour 4-5 mois. Il semblerait qu'il serve de tampon, parce qu'on annonce l'entraîneur de Hoffenheim comme futur entraîneur. Bon choix d'ailleurs. L'un des plus jeunes, ouais, de première. Très bon choix. Plus jeune, ouais. Non, ça va être super intéressant sur la course à la Ligue des Champions, parce que même tu peux rajouter Augsbourg et le Hertha Berlin qui sont qu'à 4 points de la troisième place. Donc ça va être serré là-dessus. Avec le banc qu'ils ont, je pense qu'ils peuvent jouer un petit peu les deux, cette deuxième place, qui te prend pas autant de force bien sûr qu'un titre, mais je pense qu'ils peuvent jouer l'Europa League. On parle aussi, de l'Europa League, honnêtement, il n'y a pas non plus... C'est un titre à leur portée quand même. Ouais, parce qu'il y a l'Atlético Madrid qui peut sûrement peut-être le jouer. Naples, on l'a dit, peut-être qu'il ne jouera pas. Après, l'AC Milan, il n'y a pas de confrontation pour l'instant. Arsenal, j'ai pas l'impression qu'ils ont envie de la jouer cette année. Après, il n'y a pas beaucoup non plus de monde, donc je ne sais pas si ça serait peut-être... Je pense qu'ils vont essayer de jouer les deux, par contre, contrairement à Naples. Peut-être, je sais pas si en coupe, en pokal ils sont encore là, Dortmund. Oui, en mais... pokal ils sont encore là, mais Mais attention, Club Brugge en Europa League. Je pense que c'est l'année. Qui? Club Brugge en Europa League. Oui, c'est qu'il y en a pas mal. Ouais. Bon, très bien. On va passer au meilleur championnat. Hein, vous le savez, toujours le meilleur pour la fin. La Ligue 1. Hollande. Là aussi, donc le championnat semble terminé. Sauf si vous êtes pas d'accord avec moi, mais j'en doute. Le PSG après, a 9 Lyon, points d'avance. Sur Monaco, mais l'intérêt réside surtout dans les places de Champions League, encore une fois, entre Monaco, Lyon et Marseille, qui finira à la quatrième place, la place du con, tout simplement. Ouais, pas pour vous. Vas-y, bah, je t'en prie, du coup. Écoute, je pense quand même que Lyon et Monaco, je pense en termes de jeu, m'ont garanti un peu plus de choses que Marseille. Après, concrètement, je pense qu'entre Marseille, il y aura l'Europa League, donc je pense que ça, déjà, ça va leur faire perdre un petit peu de force dans la bataille. Donc, non, ouais, évidemment, pour le titre, c'est joué, mais je vois Lyon et Monaco, sur ce que j'ai vu sur les premières parties de saison, en termes d'effectifs et de niveau de jeu, globalement, je les vois un petit peu au-dessus de Marseille. Après, ça ne devrait pas jouer à grand-chose, mais sachant que Marseille joue l'Europa League, c'est ce qui me fait peut-être dire qu'ils seront un petit peu derrière. Les autres, moi, j'ai un avantage Monaco, parce que Monaco n'a plus qu'une compétition européenne à jouer. Lyon, la finale de l'Europa League, elle est au Stade des Lumières. Je pense que Monsieur Aulas, il veut aller la chercher. Et étant supporter stéphanois, quoi de mieux qu'une victoire lyonnaise et puis une descente stéphanoise en fait de saison. on en parlera juste après d'ailleurs des clubs en descente. Il est ironique celui-là. Surtout, Monaco et Lyon. Alors après, reste à savoir la place. Moi, je vois plus Lyon deuxième et Monaco troisième. Surtout si Monaco dégraisse beaucoup au mercato d'hiver. On annonce le départ de Lemar. On annonce beaucoup de départs. Et à contrario, est-ce que l'OM doit recruter pour essayer d'aller chercher les potes? J'allais y venir, à contrario, l'OM n'annonce, il n'y a pas d'annonce de recrue, notamment on annonçait le départ de Mitroglou finalement et ils attendent qu'il va rester. Dire qu'ils ont craché à l'époque sur Carlos Bacca, ça me fait toujours rire. Ça fait mal au cœur à mon avis quand non, mais c'est, ils veulent se persuader qu'il est mauvais en fait, je pense, Mitroglou. Ouais. Après, Marseille, c'est une équipe qui est pénible à jouer. Ils peuvent grappiller des points contre les gros. Ils feront 4 tranquilles, mais après je les vois pas passer devant Lyon et Monaco qui ont plus de garanties. Après, ce qui est vraiment intéressant aussi en Ligue 1, c'est la descente, quoi. Parce que on a vraiment rigolo. On a 15e Bordeaux qui est dans une série mais noire totale. C'était ma question. Est-ce qu'il y a un gros club qui descendra en Ligue 2, LOSC, Toulouse, enfin gros club. Quand je parle gros club, c'est un club historique de Ligue 1 tout de même. Le LOSC, le TFC, Bordeaux ou la Saint-Étienne. Lille, j'ai peur. Surtout s'ils vendent. Non, moi j'ai pas peur. Moi. C'est quoi, c'est Edgar non, c'est Gatier arrivé. Après, l'équipe a gagné quand même. Lille. Ils ont gagné contre qui aussi. Ils sont en pleine période de mercato. Ouais, mais ils vont perdre leur meilleur joueur. Non, mais ils veulent récupérer Dzeka, le joueur de Dijon qui fait une superbe première partie de saison avec Dijon. Est-ce que ça leur apportera la stabilité? Je ne sais pas. Thierry qui appartient aussi à Lille. Tu crois qu'il va revenir? Parce que Lille, à ce que j'ai compris, ils veulent essayer de faire revenir leur joueur de prêt. Moi, je suis terrible, ouais. Je reviens pas en tout cas. Ouais, ouais, ça sera. Moi, j'ai un doute sur le fait qu'ils reviennent. J'ai pas de doute sur le fait qu'ils ne peuvent pas recruter. Là, il irait au trou aussi. Et après, comment dire, le mercato est très animé. Par exemple, je prends un club comme Amiens. J'entends une rumeur comme quoi Benfica aurait déjà approché Kakuta pour aller à Benfica. Kakuta, ouais, qui est le maître à jouer de Amiens. C'est sûr que dans un mois, avec peut-être les mouvements qu'il y aura et les pertes de certains joueurs pour les équipes qui sont tangentes, comme ça sera beaucoup plus compliqué. Et le manque de recrutement de certains clubs, enfin, quand on voit que Saint-Etienne n'arrive même pas à recruter Mitrovic, sûrement blessé, mais bon, qui est quand même un meilleur défenseur, je pense, que Gabriel Lacroix. Pour l'instant, ils ont fait que du recyclage, Saint-Etienne. C'est quand même. Bordeaux qui aurait tenté sur Pazdan, le défenseur polonais qui. Je ne sais pas si vous vous rappelez, qui avait fait un très bon euro d'ailleurs, donc pourquoi pas. Bordeaux, pour moi, Grosvenek va partir avec la défaite à Granville. Ouais, à mon avis, c'est ce qui va le conduire vers la sortie. Trois cartons rouges, les joueurs l'ont lâché. Quoi. Ouais. Peut-être Romain, pour terminer, est-ce que pour toi un gros club, entre guillemets, donc descendra en Ligue 2? Bah, on peut avoir des craintes quand on voit le niveau de jeu, en tout cas actuel. Moi, je crains plus pour Bordeaux et Saint-Etienne, effectivement, que pour Lille dans la dynamique. Ah, aucun des descend pour moi. Bah, enfin, je les vois pas descendre. Plus Toulouse, par contre, peut-être. Je pense qu'on fait ce débat-là. Et finalement, quand on en discute, moi, je vois effectivement plus Toulouse, qui est quand même pour moi un club légèrement moins historique dans le foot français que sans Bordeaux, Saint-Etienne, ou même bon, le LOSC, c'est un peu discutable, mais en tout cas sur les dernières années. Je vois le LOSC se sauver au final, et Bordeaux et Saint-Etienne, en tout cas, pas descendre, mais faire une vraie saison de galère. Ah, ça c'est sûr, ça. Quand on voit le jeu produit actuellement, et la tendance, je veux dire, ce qu'on voit en termes de mouvement sur le marché des transferts ou autre, il y a très peu d'espoir pour un peu un renouveau et un bon top 10 pour eux, ce qui déjà serait pas un résultat de fou furieux. Ouais, pour Bordeaux, en tout cas, ce qui est hallucinant, c'est quand on voit le début de saison qu'ils font avec un joueur comme Malcolm, qui est quand même plutôt un bon joueur de ballon, et finalement d'autres joueurs qui sont quand même relativement solides, et de voir qu'ils passent autant au travers. Donc à mon avis, effectivement, pour Gourvenec, ça va être la porte d'ici très peu de temps, et puis Saint-Etienne c'est aussi juste très difficile, mais bon, cette Ligue 1, il y a tellement très peu de on termine parce qu'on n'aura plus le temps. Il y a tellement de petits clubs que finalement je vois d'autres équipes qui sont toujours plus mauvais en principe. Justement pour Saint-Etienne, le manque, c'est un peu la non volonté des dirigeants de casser la tirelire, quoi. C'est un problème de recrutement dans ce club qui est assez affligeant. Les gars, on va pas continuer, je suis désolé, parce qu'il nous reste 4 minutes pour faire le rugby, la NBA, la tennis. On va parler des heures déjà. Donc je pense que le problème de gestion, il y a des heures. On passe au rugby un peu plus rapidement. Depuis donc fin décembre, Guy Novès a été limogé du 15 de France, remplacé par Jacques Brunel, ancien entraîneur de l'Italie, Bordeaux ou encore Perpignan. Il sera assisté donc de deux anciens rugbyman, Bonner et Elissalde. Pour vous, ce remplacement va-t-il remettre l'équipe de France sur les bons rails, ou ça ne changera rien du tout, car l'entraîneur n'était peut-être pas le problème de l'équipe de France? Théo. Alors, je crois qu'il y a Bruno aussi, Sébastien Bruno, qui s'occupera des avants, en adjoint. Pour moi, il fallait tourner la page Novès. C'est dur à dire, mais pour moi, je ne voyais pas de schéma de jeu. On avait eu cette discussion déjà fin décembre, je ne voyais pas de schéma de jeu. Il a fait combien de matchs en tout, Novès? Il a fait deux ans. À deux ans, quand même. Je dirais 15 matchs, plus avec les tournées un peu, et il a fait plus, mais je crois qu'il a eu 7 victoires. C'est le plus faible total de victoires pour un sélectionneur. Il n'y avait pas de projet de jeu, les joueurs n'adhéraient pas, ils ont trop testé de joueurs. Quand on voit des équipes comme l'Angleterre, l'Irlande, voire même le Pays de Galles, qui n'est pas forcément dans la forme de sa vie, mais ils ont une base, ils ont une colonne vertébrale qui ne change pas. Et les joueurs ont besoin, surtout en équipe nationale, d'avoir des automatismes pour comprendre les plans de jeu. Et ça, Novès, visiblement, ne l'a pas fait, et n'a pas fait adhérer ses joueurs à son projet. Romain, tu voulais réagir à ça, je suppose. Mais je vais essayer de pas faire long, parce que justement, on est déjà un peu dans le rush. Et puis, parce que je pense qu'avec Théo, on n'est pas totalement d'accord, mais justement, que Novès n'était pas l'homme de la situation, c'est possible. Par contre, moi, le seul point que je veux relever, c'est que j'ai l'impression qu'on fait un peu ce qu'on a toujours fait à la fédération avec des hommes différents, c'est-à-dire des petits jeux entre amis, et que forcément on ne change pas vraiment les choses dans l'intérêt du rugby français, comme ça se fait des fois dans d'autres sports. Et je souhaite toute la réussite possible pour le prochain tournoi et les échéances à venir au nouveau staff, effectivement composé de Jacques Brunel, de Bonner et Lissal, qui sont d'anciens joueurs, ou encore Sébastien Bruno. Mais j'avoue que j'y crois pas trop et que je suis un peu résigné actuellement sur les prochaines années par rapport aux intentions, même j'ai envie de dire, du rugby français au niveau international. Et ce que je regrette surtout, c'est sur les méthodes, sur la manière dont Noves a été viré. Il faudrait qu'on me définisse vraiment ce qu'on appelle faute grave. Et est-ce que, seule question que je te pose, est-ce qu'un autre sélectionneur français, je dis bien français, hein, pas étranger, aurait véritablement fait mieux au vu de l'état du rugby français que Guy Noves à cette période-là? Personnellement, j'en suis pas certain en tout cas. Et puis la colonne vertébrale, on pense notamment 9-10, il y a eu beaucoup de blessures. Après, effectivement, peut-être que essayer autant de jeunes, c'était trop risqué. Mais est-ce que finalement aussi mettre à la Coupe du Monde, j'en sais rien, je l'imagine, je me trompe peut-être, mais une charnière Boxis Para, ce soit pas une fausse solution pour se dire yes, on va faire peut-être un petit quart de finale de Coupe du Monde et se faire sortir. Moi, je m'interroge parce que quelque part aussi, bah, des fois, il faut aussi accepter de perdre pour reconstruire et avoir une équipe super compétitive. D'autres l'ont fait, pourquoi pas. Ah, mais là, c'est clair que... C'est clair que Brunel, on va pas être exigeant avec lui. On va rien lui demander, on va lui faire de limiter la casse sur le tournoi. On reçoit 3 fois cette année, donc ce qui est plutôt un avantage. Brunel, après, partout où il est passé, il a gagné à Perpignan en 2009, il a fait un très bon travail à Bordeaux-Bègles, il a fait plutôt du bon travail avec l'Italie malgré l'effectif limité qu'il avait. C'est Laporte qui a choisi ses hommes, c'était son ancien adjoint quand oui, il était sélectionneur de l'équipe de France. Il est resté 7 ans en équipe de France. Il a toute confiance en lui. C'est encore un pote, quoi. Exactement, il a toute confiance en lui, ce qu'il n'avait pas forcément en Guy Noves, et Guy Noves ne lui a pas, on va dire, montré qu'il pouvait produire quelque chose d'intéressant. On va voir ce que ça va donner, mais on ne sera pas exigeant avec Brunet, ça c'est sûr. On passe tout de suite à la NBA. Ça sera un peu plus pour Dimitri et Guillaume cette fois-ci, qui aime aussi. Dans la conférence Est, c'est pour l'instant toujours les Boston Celtics qui dominent le classement devant les Raptors et les Cavaliers. Pensez-vous que Boston va tenir jusqu'au play-off sur cette première place? Est-ce qu'ils ont une équipe taillée pour aller inquiéter les meilleurs par la suite, c'est-à-dire notamment dans les phases finales? Alors oui. Pour moi, cette année, il y a vraiment deux gros outsiders, enfin un gros outsider dans chaque conférence, donc Boston à l'est et Houston à l'ouest. Je pense que jusqu'au bout, en tout cas en saison régulière, ils peuvent tenir le même rythme, et je pense que Boston peut rester premier. Après, en playoffs, on sait que c'est toujours difficile parce que les Warriors et Cleveland ont cette fâcheuse tendance à toujours élever le niveau dans ces derniers mois et à monter en puissance et à montrer que finalement les outsiders sont quand même un vrai ton de mais après oui, sur la saison régulière, je vois quand même en Houston et Boston même deux gros candidats qui peuvent tenir le rythme. Moi je suis d'accord sur le côté Boston, pour moi qui est le gros outsider à Boston, qui est le gros outsider à l'est. Après, à l'ouest, je suis un peu perplexe parce que je pense que Minnesota et le Thunder sont des équipes qui peuvent plus poser de problèmes que Houston, parce que Houston, en train de voir ces dernières semaines, la machine commence à s'effriter un peu. La blessure de James Harden nous montre les faiblesses de cette équipe. Donc, je pense que... Après, est-ce aussi, il y a un truc à prendre en compte aussi, c'est quand même que il y a un joueur qui a fait un petit peu monter en puissance Cleveland, c'est quand même Thomas, qui a fait déjà des bons débuts. Et évidemment, le Cleveland avec Thomas sera quand même, je pense, peut-être différent et un petit temps au-dessus, donc ça peut les arranger niveau stats et ça peut les faire revenir à la première place dans cette deuxième partie. On en parlait justement de la conférence Ouest, les Warriors donc de Stephen Curry devant les Rockets de Harden et les Spurs qui sont toujours troisième, toujours bien placés d'ailleurs pour la course au play-off. Est-ce que les Warriors restent les ultra favoris pour le titre cette année? Bah, pour l'instant oui, parce qu'ils ont pas vraiment perdu en termes d'effectifs, en termes de stats, ils sont quasiment dans les rangs des dernières années, donc ça tourne quasiment aussi bien. Ils ont déjà, c'est un match pendant Noël, c'est un match de saison régulière contre Cleveland, mais bon, ils ont quand même envoyé un petit signe qu'ils étaient encore au-dessus, donc évidemment, c'est encore le favori vu que Cleveland est encore un peu poussif cette année, mais bon, on sait que le constat qui se fait au début janvier sera sûrement peut-être un petit peu différent en playoff, vu que Cleveland va quand même, je pense, monter en puissance. Donc oui, malgré tout, les Warriors dans leur conférence, même si tu as un très bon Spurs encore solide cette année, Houston aussi qui quand même tient un bon rythme, et Minnesota, je pense qu'ils sont quand même largement favoris de leur conférence et même au général. Okay. Je te laisse conclure très rapidement, Romain, sur une petite phrase de conclusion, je te laisse. Concernant les deux conférences, assez épaté de la performance de Boston qui peut vraiment marquer cette saison et aller loin en playoff, en tout cas je l'espère pour cette équipe. À l'ouest, même si Houston fonctionne bien, je suis assez d'accord avec Dimitri, on voit maintenant qu'il y a quelques petites faiblesses qui ressortent dans cette équipe et je pense que les Warriors risquent d'être vraiment au-dessus à l'ouest. Même si il y a des équipes intéressantes comme Houston ou même par exemple Minnesota qui peut être surprenant et dont on a parlé. Donc voilà, moi je vois vraiment quand même le Golden State au-dessus, même s'il faudra voir effectivement dans quelques mois. Et puis par contre une conférence Est notamment dans les playoffs qui peut être vraiment super intéressante, parce que même si Boston marche un peu sur l'eau en ce moment, on sait que les Warriors seront au niveau. Et puis Toronto qui est pas mal aussi. Comme Toronto ou même Washington peuvent être intéressants. En tout cas, il y aura de belles oppositions à l'Est dans ces playoffs, j'en suis sûr. Et puis voilà, on peut rêver d'une magnifique finale NBA, mais en tout cas, les Warriors, c'est impressionnant sur ces dernières saisons, le rythme qu'ils tiennent. Ils sont vraiment en train de rentrer dans l'histoire de la NBA. Ok. On termine par notre dernier sport, donc le tennis, avec le retour de la saison de tennis. Quelques petits résultats d'ailleurs là. Victoire de Gilles Simon au tournoi de Pune en Inde sur Kevin Anderson, sa première victoire depuis 2015. Gaël Monfils qui a gagné aussi Doha, si je ne me trompe pas. Oui. Et en ce qui concerne la Open Cup, par exemple, il y avait aussi la Open Cup. C'est la Suisse de Roger Federer et Belinda Bencic qui s'impose face à l'Allemagne de Kerber et Zverev. Donc question début d'année donc tennistique, de nombreux blessés encore, vous l'avez vu, un Australian Open qui se profile donc la semaine prochaine. Est-ce que l'année de tennis sera une nouvelle année entre Roger et Rafa, ou est-ce que ça sera l'avènement des jeunes de Zverev, de Tim, ou même encore ça sera la confirmation de certains joueurs comme Dimitrov, ou voir Cilic peut-être gagner un deuxième grand chelem, ou Goffin par exemple? Moi je pense que ça peut être une année légèrement différente, vu qu'évidemment il y a quand même, même si on a du mal à le dire sur ces deux extraterrestres, il y a quand même la fatalité physique quand même qui va commencer à arriver. Je les vois pas avoir autant le monopole, même si je pense qu'ils vont être sur tous les grands chelems, mais peut-être pas les remporter jusqu'au bout. Comme tu as cité Dimitrov, pour moi c'est celui qui m'intéresse le plus cette année, parce qu'il a fait quand même une belle saison l'an dernier. On sait que c'est un joueur qui a beaucoup de qualité, et je le vois en train de passer un cap, donc je pense qu'il peut bousculer les deux. Puis après oui, les jeunes déjà l'an dernier ils ont commencé à monter en puissance, donc évidemment cette année dans le cycle normal des choses ils devraient encore passer un petit palier et devraient encore plus bousculer la hiérarchie devant. Ouais, non, si pareil, d'accord avec toi sur le fait que, enfin pour alors peut-être Roger et Rafa pour moi vont vraiment dominer, notamment les grands chelems. Ils vont garder leurs titres respectifs, c'est-à-dire Wimbledon et Roland Garros. Exactement. On peut penser que Federer va faire l'impasse sur Roland Garros. Ouais. Surtout sur un Australian Open où il va manquer beaucoup de monde. Murray, Nishikori, Djokovic. Wawrinka en reprise. Wawrinka en reprise. Moi, en surprise, je vois bien David Goffin qui avait fait une super Coupe Davis face à la France, qui a fini l'année en très bien. Très très bien. Je le vois passer un cap aussi cette année, même si on peut penser qu'il en a passé en fin d'année dernière, mais je le vois continuer sur cette voie. En tennis féminin, il y a le retour bientôt de Serena Williams. Elle revient pas pour l'Australian Open, mais elle reviendra un peu plus tard. C'est plus ouvert de ce côté-là, on le sait. Ouais, c'est flou. Ouais, c'est, on sait qu'il y a bon, les classiques, Kerber, Alep, ouais, notamment la numéro 1 mondiale. Pourquoi pas Wozniacki, ouais. Voilà, c'est plus ouvert côté féminin. Si Muguruza confirme, voilà, ce serait bien d'avoir encore une leaduse qui arrive à tenir le rang jusqu'au bout aussi. Parce que Sharapova va revenir de son après-suspension. On verra bien pour le tennis féminin. Je suis désolé de couper assez rapidement le tennis, malheureusement on a pris beaucoup de temps sur le foot, mais bon, ça méritait un gros point sur le foot. On essaie de moins en parler, mais bon, pour, de temps en temps il faut quand même un petit peu en parler. Quitte à m'en zapper mes résultats NBA quand même. Ouais, bah, j'ai été déçu, surtout qu'il y avait des. Il y avait des très bons matchs, quand même. Mais, tu veux les dire ? Allez, c'est vraiment pour vous que je le fais. Je t'en laisse 30 secondes là. Il y avait donc, je l'ai dit, le classique Warriors Cleveland le 25 au soir. Donc, ça, comme je l'ai dit, ça a plutôt bien tourné pour les Warriors avec une victoire. Il y avait aussi un très intéressant à l'Est, Boston Cavaliers. Et Boston a encore confirmé qu'ils étaient le leader pour l'instant à l'Est avec un 102-88. Et aussi un choc intéressant entre les Warriors et Houston, son outsider de l'époque. Et Warriors a aussi très bien négocié ce choc en gagnant 124-114. Voilà, comme ça les résultats sont passés en NBA. On va passer. Et juste, on avait laissé passer une petite erreur, donc oui. Voilà, on va pas la faire pour démarrer 2018. Mmh. Dortmund, attention, en Europa, effectivement, éliminé aussi de la Coupe. Ah oui, on l'avait oublié, contre le Bayern Munich, 2-0 le 20 décembre. Ok, d'accord. Ah ouais, merci. On va passer tout de suite au Sport Montpelliérain, jingle. Sport and Chill, le Sport Montpelliérain. On va essayer de se rattraper un petit peu sur le temps sur les Sports Montpelliérains, désolé. On va faire le point sur tous les clubs de Montpellier, pas forcément les résultats, mais sur où ils en sont actuellement. On va recommencer par le football. Et donc le MHSC, hein, ce week-end qui a joué en Coupe de France comme tous les autres, qui a eu du mal d'ailleurs contre Pontarlier, qui était en tir au but. Tir au but, c'est ça. Der Zakarian donc a dit qu'il voulait gagner au moins une coupe. Est-ce que c'est faisable pour vous ? Ça serait beau, mais est-ce que c'est faisable ? Non, mais je pense que ça va être un véritable objectif du club, surtout pour la Coupe de France. On sait que lui, Nicolas, il y était très attaché. Ça peut être un bel objectif. Je regardais une interview d'un supporter de la Butte Payade qui l'a réclamé. Mais oui, je pense que ça peut être. Si on reste sur notre stabilité défensive, s'il n'y a pas de gros départ au mercato. S'il n'y a pas de gros départ, j'attendais cette phrase. Parce que on en parlait dans Roussillon peut-être. Roussillon peut-être, mais pas seulement Roussillon. Un problème fiscal pour notre ami Cécédion. Cécédion aussi, ouais. Qui a une place assez importante aussi. Il n'est pas allé en Espagne, Cécédion, non ? Prévu en Espagne. Ils en ont parlé pas vraiment. Ouais. Mais il ne peut plus aller en Angleterre parce qu'il a aussi un problème fiscal en Angleterre. Donc, il peut-il aller en fait. Mais, il va aller sur les îles Canaries. Mais il ne gagne pas les titres, il laisse des titres. Après, le départ de Roussillon a été anticipé avec le recrutement du joueur de l'Impact Montréal. Orango. Ouais, exactement. C'est quoi ça ? Ah, c'est un joueur de foot. Ah non, mais tu perds Roussillon après. Bon, oui, non, mais c'est un joueur de foot. C'est après, sûr. Roussillon, c'est un joueur de foot. On disait la même chose pour Ruben Aguilar qui venait d'Auxerre. Coucou, non, Ruben Aguilar, pour moi, pour l'avoir vu un peu en Ligue 2, j'avais. Ouais. Après, peut-être que je me trompe, attention, mais bon, c'est quand même. Sur le papier, c'est quand même Les coups défensifs qui ont été tentés, Aguilar, Pedro Mendes. Ah, pour l'instant, c'est vrai qu'ils sont rarement manqués. Ils l'ont pas manqué. Le milieu de terrain, on pensait souffrir avec le départ de Boudbouz. C'est pas créatif, on est d'accord, c'est du rugueux avec Lance Kiri. Mais... Donc vous voyez une deuxième partie de saison un peu plus compliquée pour Montpellier peut-être, non ? Non, pas forcément. Ça pas en championnat. Ils sont 7e avec 26 points. Moi je pense qu'ils peuvent rester dans les 10 premiers. Est-ce que d'ailleurs, dernière question, est-ce que 7e c'est une belle année pour le club ? Oui. Ah oui, mais déjà, l'effectif en termes de budget, l'effectif qu'il y a, et puis d'où ils viennent, l'an dernier ça a quand même été très compliqué, ouais. Ça serait une belle des 7e là. C'est pour ça qu'en plus, si t'as une coupe, ça serait une année plus que remplie pour l'hommage à Loulou, ça serait bien. Mais après, une coupe, ça va être compliqué, même si on sait que je pense que Paris va laisser une des deux coupes. Parce que bon, ils vont pas, s'ils se qualifient en plus en Ligue des Champions, ils vont pas enchaîner le championnat, la Ligue des Champions et deux coupes. Donc il y a peut-être qu'ils en laisseront une, donc il y aura un coup à faire peut-être sur une des deux. On sait qu'Emery veut tout gagner, mais peut-être qu'ils vont. 4, t'imagines 4 si ça va jusque le bout. C'est lourd. Après, Montpellier, on était très sceptiques au début de saison. Notamment avec le départ de Steve Mounier et de Réliad Boubouz. La meilleure recrue finalement c'est Michel Derzakarian. Ouais, et puis il a réussi à trouver son système et les joueurs adhèrent. Tu vois qu'il soit intelligent aussi. Beau ou pas, c'est vrai oui, il est efficace. Est-ce que ça restera sur la durée, je ne sais pas. C'est la question. Tout dépend du recrutement encore une fois. Et bon, après, gagner une coupe c'est bien, mais bon, faut pas oublier qu'il y a des gros concurrents. Il y aura peut-être Monaco qui va miser sur une des deux coupes. Puis bon, voilà, pour l'instant, t'as quand même galéré contre Pontarlier, donc il faudra montrer aussi autre visage. Quoi, ouais. Ouais. Ok, on passe sans plus tarder aux féminines, MHSC féminin. Encore une belle saison de la part des féminines. On sait que sur la D1, ça se joue surtout sur la deuxième place, parce que bon, la première place est surtout monopolisée par l'Olympique Lyonnais. Ouais. Pour l'instant, pas si largement que ça, j'ai vu le dernier match qu'ils ont fait, là, c'était serré. Hein. Ouais, 20-0, c'est pas trop. Contre Besançon. Ouais, mais c'était une coupe en Coupe de France. Pas facile, hein. Le MHSC est en ballotage défavorable, puisqu'ils ont 4 points de retard sur les deuxièmes, le PSG. Mais bon, Montpellier a un match en moins, du coup, qui c'est contre Fleury, donc ça devrait passer. Fleury Mérangis Non, je sais pas, Fleury. Peut-être Fleury Mérangis, mais j'en doute, je pense pas. Donc, ils ont un point de retard techniquement s'ils arrivent à gagner leur match de retard. Il n'y a pas de surprise, s'il n'y a pas de surprise, le MHSC devra faire le résultat dans quasiment le seul match qui comptera, donc face au PSG. Malheureusement, très mal placé dans le calendrier, puisqu'en une semaine, donc le 21 mars, Montpellier-Chelsea en coupe en Champions League. Ouais. Match retour le 28 mars. De Montpellier-Chelsea. Et derrière, tu. Et trois jours plus tard, le 1er avril, Montpellier-PSG. Ah, c'est dur, clairement le, donc, la semaine déterminante pour la saison. Bah, la semaine déterminante. Tout se joue quasiment là, quoi. Ouais. Donc voilà, faudra suivre surtout les filles tout au long de l'année, évidemment, mais surtout cette semaine-là. Rugby, l'occasion d'entendre Théo et Romain sur ce coup-là. MHR, victoire d'ailleurs cette semaine de Montpellier Rugby, 28-16 contre le Stade français. J'y étais au stade. Ouais, moi aussi. Et j'ai pleuré parce que c'était une belle purge d'ailleurs. C'était pas super, ouais. Il y a eu beaucoup, énormément de mêlées. Je crois que c'est le match où on a plus le vu. De mêlées. Disons que l'arbitre est très sévère dans le sens où dès qu'il y a une moindre petite faute, il siffle. Ouais. Bon, voilà. Comme l'arbitre de Ligue 1, quoi. Ouais, mais le problème, c'est que bon, les joueurs, j'ai l'impression que le repas de Noël, il avait encore du mal parce qu'ils jouaient pas non plus très rapidement. C'était là un peu, ouais. Très compliqué à suivre. Je pense que les joueurs de Montpellier s'attendaient à un match un peu plus facile face à Paris qui a du mal à l'extérieur. Après, on a assuré l'essentiel, le bonus offensif. On est la meilleure équipe à domicile, on n'a pas perdu en championnat depuis le début de saison en top 14. J'ai une question d'ailleurs pour toi. Ouais. J'ai vu le match, j'ai vu beaucoup d'erreurs et beaucoup d'indiscipline comme d'habitude. Montpellier, moi je trouve que l'indiscipline elle est marquante. Alors est-ce que Montpellier va-t-il pas s'écrouler en phase finale comme d'habitude? Non, parce que on a. Non, parce que Vern Cotter fait beaucoup plus tourner que Jack White. Il a un projet de jeu qui est plus adapté aux joueurs que l'on a, c'est-à-dire un peu plus basé sur le mouvement. On a toujours cet impact en puissance qui est bénéfique et qui nous fait avoir des pénalties à chaque touche dans les 5 derniers mètres adverses. Mais je pense que Montpellier réalise un super début de saison, ils sont premiers. Seule La Rochelle, les concurrences, on voit des groupes qui ont beaucoup, beaucoup de mal. Je pense à Clermont qui s'est pris une toast hier soir contre le Racing, plus de 50 points. Toulon qui va très mal, qui perd à Brive. On a seulement 4 défaites en top 14 et toutes à l'extérieur. En Champions Cup, on est bien parti également. Le seul bémol, je voulais en parler, seul bémol que je vais dire, c'est les blessures. On perd Payog. Je pense pour un peu de temps, j'ai pas vu plus d'informations. 3 mois, je crois. 8 semaines, donc ouais. Très longtemps. En plus, on sait qu'il va mettre du temps à revenir. On va récupérer un joker médical en 9 parce qu'on en a vraiment besoin. Parce que là, on n'a plus que les jeunes du centre de formation. Un jeune qui est rentré de 18 ans, je sais plus comment il s'appelle. Oui, c'est ça. Parce que Sanga aussi qui peut jouer 9, qui peut jouer 10, s'est blessé également. Heureusement, on a Creden qui tient la baraque encore une fois. Mais pareil, là, comme clairement, finalement, on a un problème en 9. C'est le seul problème. J'espère qu'on va trouver un bon joker médical. J'ai une deuxième question, peut-être pour Romain cette fois-ci. Est-ce qu'il ne serait pas plus raisonnable d'aller chercher la Coupe d'Europe cette année si Montpellier arrive à se qualifier, évidemment? Montpellier est deuxième de son groupe, ira à Exeter d'ailleurs pour la finale du groupe, suppose, et recevra le Leinster pour le dernier match. Ouais, le 20 janvier. Et là, je pense que Théo va être d'accord. Pour te répondre, tout va dépendre de ces deux matchs. Effectivement, si on se qualifie, je pense qu'il peut y avoir vraiment une dynamique très très positive et Montpellier peut espérer faire un résultat en Coupe d'Europe, parce que ce qui a changé aussi, c'est que au-delà des bons joueurs qu'on a, on a, je pense, un super entraîneur et on a des joueurs qui ont plus d'expérience et qui ont plus d'expérience, non pas seulement au niveau international, parce que c'est le cas de joueurs, on peut citer notamment certains joueurs sud-africains qui sont installés, mais au MHR tout simplement aussi, dans ces moments-là, qui nous ont fait défaut longtemps. Donc si on arrive à se qualifier en Coupe d'Europe, et on a globalement retourné la tendance en notre faveur, maintenant on a les cartes en main, ça peut être quelque chose de tout à fait intéressant, parce que Montpellier a brillé sur la arène européenne seulement en challenge européen, et au vu de l'équipe et de son niveau, la Coupe d'Europe peut être un objectif intéressant. Après, on n'est jamais allé plus loin que les quarts, donc restons prudents, il faudra déjà prendre des points, etc., et puis faire un match super à la maison contre le Leinster pour se qualifier. Oui. Et puis Concernant le championnat, je pense qu'il ne faut pas le mettre de côté, effectivement, parce que comme le dit Théo, il y a des équipes, et notamment des grosses écuries de ce championnat, on peut penser à Clermont, qui sont pas dans leur meilleure année, et eux, à l'inverse, vont jouer la Coupe d'Europe à fond au vu de la dynamique et des victoires contre les Saracens. Et derrière, il y a des équipes comme La Rochelle qui n'ont pas l'expérience de cette fin de saison. Et ouais. Montpellier, en ce sens, peut être maintenant avec l'expérience suffisante pour aller chercher une demi ou une finale. Après, effectivement, on va jouer sur les deux tableaux avec la blessure notamment de Payog. Alors voilà, on va voir progressivement, mais c'est vrai qu'il y a de belles certitudes autour de Montpellier. Je pense qu'il faut aller chercher un titre cette année. Ouais, donc juste hyper rapidement, pour moi, la deuxième partie de saison va dépendre de plusieurs joueurs. Si on a Bismarck Duplessis qui revient en mêlée et qui reste le patron comme il était en première partie de saison, on aura une conquête qui nous a fait défaut sur les deux derniers matchs, notamment en touche. Si Nadolo reste le deuxième meilleur marqueur, je crois, du championnat derrière Chris Ashton, et qui est le meilleur marqueur en Coupe d'Europe avec 5 essais en 4 matchs, et qui progresse comme il le fait, on aura encore une très bonne partie de saison. On va voir comment ça va se passer, mais je pense que le MHR peut viser les deux compétitions. Ok, on va passer aux filles, donc au MRC, ou MHR féminin, c'est comme vous voulez, ou même Coccinelle, ou voilà. Ah, c'est bien comme ça. J'aime la nature. On sait que donc, le match à l'année à ne pas louper reste contre Lille pour les Coccinelles. Elles se sont inclinées à l'aller, mais recevront pour la deuxième partie de la saison. Je vous prépare. Après, tout cela reste évidemment au play-off, hein, comme au rugby masculin. Pour l'instant, on est quasiment sûr que les deux premières places seront pour Lille et Montpellier qui marchent sur l'eau. Donc le gros mois à 30, ça sera en avril. D'ici là, donc le MRC devrait continuer à enchaîner les victoires sans trop de problèmes. Le handball, très grosse saison du handball cette année. En janvier, donc on joue pas étant donné que c'est la trêve internationale avec le championnat d'Europe qui arrive. Au final, donc seul bémol, c'est la Coupe de la Ligue où on est éliminé à cause de la défaite contre Toulouse. Sinon, première place en Champions League, avec deux défaites seulement, mais dans des matchs qui ne comptaient plus, donc deux défaites qui ne comptent pas, on va dire. Sinon, que des victoires, cela permet à Montpellier d'être en barrage contre Ademar León. Les barrages se joueront fin février, début mars, et verront donc Diego Simone et son frère, d'ailleurs, s'affronter pour l'occasion. Sinon, en championnat, tout reste parfait. 13 matchs, 12 victoires, un match nul. Pas trop mal, c'est incroyable. Mais surtout la victoire du 21 décembre contre le PSG handball qui donne 5 points d'avance sur Nîmes et qui est deuxième et 6 points d'avance sur le PSG. À savoir que donc le match retour contre le PSG c'est déjà en février qui arrive. Donc Montpellier, s'ils arrivent à avoir au moins le match nul, je pense que ça sera terminé. Coupe de France, on l'a su hier, Montpellier se déplacera à Dunkerque. Donc ça va être compliqué d'aller gagner là-bas dans un objectif secondaire. La Coupe de France. Seule petite inquiétude, l'infirmerie commence à se remplir assez sérieusement avec des absents de marque tout de même, avec Fabregas, Grébille, Richardson ou encore Simonet. Donc, c'est pas le médecin de la SSE qui s'occupe de Montpellier. Non, mais à Montpellier, c'est vrai que souvent au handball, il y a des gros absents. Quoi. Le BLMA, malheureusement, c'est un peu le club qui marche pas trop cette année à Montpellier. Ah, pour tes poisses. Enfin, qui marche pas trop, qui sont un peu en dedans, puisqu'elles nous ont habitués à mieux. Elles sont 6e sur 12 en championnat, donc dans le ventre mou du championnat. Elles étaient habituées un peu plus haut. Puis en Europe, mais elles ont gagné quand même ce week-end. En Europe, c'est très compliqué, en Euroleague également. Dernière place et seulement une victoire sur 10 matchs, donc 9 défaites. C'est compliqué pour les Gazelles, donc habituées un petit peu mieux tout de même, puisque les dernières, elles avaient. Finissent 5e, je te laisse parler après. Elles avaient fini 5e sur 8 en poule avec 21 points en 14 matchs. Et là, cette année, c'est 10 matchs et seulement 11 points. Donc, c'est vrai que ça fait un peu du mal. Ouais. Donc, en Europe, c'est terminé à moins qu'elles gagnent quasiment tous les matchs. En championnat, ça reste encore jouable pour les Gazelles. Je voulais réagir à ça. On a reçu en fin d'année le nouveau directeur du centre de formation du BNMA. Il y a un nouveau cycle, il y a un nouveau staff. On a perdu Madame Demoury, qui est partie à Villeurbanne s'occuper de l'académie de Tony Parker. On a perdu aussi certaines joueuses, comme je pense à Sarah Michel. Oui, c'est vrai que ça a du mal à reprendre un petit peu. Ça leur laisse un petit peu de temps. Ouais. Donc, je pense que c'est une année de transition. Ok. Bon, très bien. Pour le volet qui attaque parfaitement 2018 avec une victoire ce week-end 3-7 à 1 contre Rennes, Montpellier, grâce à cette victoire, confirme sa 6e place qualificative pour les phases finales. D'ailleurs, dernière place qualificative, la 6e place. D'ailleurs, Montpellier, l'année dernière, s'est fait sortir par Nice, qui était 6e. Donc, tout est jouable. Coupe de France, Montpellier déjà éliminé, malheureusement, 8e de finale. Par contre, la Coupe d'Europe, enfin la Coupe CEV, je vous l'avais dit, c'est la Coupe des vainqueurs de Coupe nationale. Montpellier est qualifié en 8e de finale face à l'équipe biélorusse du Soligorsk. Ça se jouera en janvier, là, donc bientôt. Futsal, malheureusement, défaite. 3-0 du Montpellier Futsal contre Béthune ce week-end. C'était à l'Arena. Alors là, quand c'est à l'Arena, Ah bah on aurait dû être informé quand même. C'est vrai qu'on n'entend pas. Soit pour une défaite en plus, c'est ça qui est beau. Petit retour rapide sur la saison. 12 points de retard au début de l'année, étant donné qu'il y a eu quelques problèmes à cause de contrats, je crois. À cause de contrats illicites, enfin je ne sais plus exactement. Qui n'ont que 12 points de retard infligés par la FFF. Montpellier avait fait une grosse saison l'année dernière, on s'en rappelle. Cependant, cette année, ils commencent très loin en classe. Cependant, ils sont avant-derniers maintenant. Ils sont à combien là? Ils sont à 6 points de retard sur le premier non relégable. Là, c'est il reste encore 10 matchs de D1. Quoi. Ouais. Donc, à ce rythme, je pense qu'ils peuvent se sauver. Après, oui, il ne faut plus perdre par contre. Non, il ne faut plus trop perdre. Ouais, c'est vrai que sur 10 matchs, s'ils arrivent à gagner la moitié, je pense qu'ils peuvent se sauver. Avec notre encouragement, c'est possible. Ouais. Le waterpolo, toujours pas de reprise pour le waterpolo. Prochain match le 20 janvier contre Strasbourg à domicile. Gros match puisque Strasbourg domine le classement avec 8 victoires en 8 matchs. Montpellier est 5e mais reste collé aux 4 premiers. Donc rien n'est joué malgré la supériorité évidente des Strasbourgeois. Et dernier, donc les Vipers, le hockey. Victoire des Vipers ce week-end 4-1 contre Roanne. Montpellier qui espère revenir en D1 de hockey. Donc la D1, il faut savoir que c'est pas la première division. Non, c'est la Ligue Magnus. C'est la Ligue Magnus, la première division. Donc là, c'est l'équivalent de la Ligue 2, quoi. C'est ça. Donc là, Montpellier, c'est un équivalent en national, là, tu vois. D'accord. Ouais. Ah ouais, ouais. Donc voilà. Ouais, il faudrait remonter, quoi. Et donc pour l'instant, ils sont 5e de D2. Il faut être dans les deux premiers pour pouvoir monter en D1. Montpellier est à 7 points pour l'instant, sachant qu'une victoire vaut 3 points comme au foot. Il reste 4 matchs. Ouais, donc ça reste 7 points. Compliqué. C'est maintenant. Parmi les 4 matchs, 3 matchs contre les moins bien classés. Et le dernier match sera à domicile contre le premier, Chambéry. Ouais, enfin, un match de fête après. Donc match de Montpellier peut encore le faire quand même. S'ils font pas de faux pas, ils s'offrent le match de galère en closing. Ouais, c'est ça. Ils ne pas rater, quoi. Voilà. Je pense que j'étais complet sur le sport montpellier. On va passer à notre première pause musicale. On a 9 minutes de retard, c'est pas c'est mal. Tout. Mais bon, on va les rattraper assez vite. Ouais. Première pause musicale, c'est les Red Hot Chili Peppers. Le titre Snow. That I tried were in my life just to get high on. When I sit alone, come get a little known, but I need more than myself this time. Step from the road to the sea to the sky, and I do believe that we rely on. When I lay it on, come get to play it on. All my life to sacrifice. Hey yo, listen what I say. Oh, I got your hey. Listen what I say, oh. When will I know that I really can go to the well once more, time to decide on. When it's killing me, when will I really see all that I need to look inside. Come to believe that I better not leave before I get my chance to ride. When it's killing me, what do I really need, all that I need to look inside. Hey, oh, listen what I say. I know the more I like to let it go. Hey, oh, whoa, whoa. Deep beneath the cover of another perfect wonder, where it's so white as snow. Blindly divided by a world so undecided, and there's nowhere to go. The channels that have broken down. Now you bring it up, I'm gonna ring it up just to hear you sing it out. Step from the road to the sea to the sky and I do believe what we rely on. When I lay it on, come get the play it on, all my life to sacrifice. Hey, oh, listen what I say, oh, I got your hey, oh, listen what I say, oh. The more I see, the less I know, the more I like to let it go. Hey, oh, whoa. Retour sur Sport and Shield, c'était les Red Hot Chili Peppers avec le titre Snow. On va continuer tout de suite sur le jingle débat de la semaine. Sport and Chill, le débat de la semaine. Et le débat de la semaine, c'est sûr, on fait un point sur les sports d'hiver, donc les sports d'hiver surtout les plus importants, à savoir le ski alpin et le biathlon, ainsi que un peu le ski de fond. On verra si on a le temps. Un peu de ski peut-être aussi. Ouais, voilà, on verra si on a le temps surtout. On parlera plus en profondeur du sport d'hiver, pardon, pendant les JO, forcément. Ouais. Ski alpin homme, on va commencer par ça. Pour l'instant, au classement général, c'est l'Autrichien Marcel Hirscher qui domine avec 874 points. Le Norvégien Kristoffersen, deuxième, 720 points. Et notre Français, avec Cyprien Thureau, troisième. Assistera-t-on, donc ma première question, assistera-t-on au JO ou même à cette saison à un duel entre l'Autriche et la Norvège, sachant que l'Autriche a le premier, le septième, qui est Matt Meyer, Michael Matt, neuvième, Max Franz, dixième, et la Norvège, donc, à Kristoffersen, deuxième, Jens Rudd, quatrième, Axel Lundsvindal, qui est cinquième. Est-ce qu'on va encore, voir la domination de ces deux pays, l'Autriche et la Norvège? On semble bien parti pour, puisque hier... Marcel Hirscher a remporté sa 50e victoire de sa carrière. Il est à 56 victoires à 6 victoires de Alexander Meyer. Et il a égalisé Tomba. Donc je pense que c'est un objectif affiché. Je pense que c'est l'homme de la situation avec je pense Zvindal. Et peut-être que notre Français sera un jour pourquoi pas. Après, enfin, Hirscher, c'est comment vous dire, c'est vraiment Lionel Messi de la discipline, quoi. C'est le meilleur. Il est bon dans tout ce qu'il fait. Il fait 4 fois premier en 5 slalom. Il fait 3 fois premier en 4 géants. Il fait 7 fois premier lors des 10 dernières courses. Il domine de la tête et des épaules. Il craque jamais. Kristoffersen est excellent. Malheureusement, il tombe face à un monstre. Peut-être le meilleur de sa génération et le meilleur des 20 dernières années. Kristoffersen, il fait 11 podiums quand même sur ses 12 dernières courses. C'est un peu le poulie d'or quand même du ski cette année. Mais non, il fait en slalom, Hirscher est intouchable. En géant, Hirscher est très très fort également. Concernant les Français, on peut plus penser à Pinturo, ouais, notamment en géant, et voire en super G qui fait le match, notamment à Delboden, Pinturo qui fait 3ème, qui fait 2 podiums en géant et une première place à Val d'Isère, il me semble. Donc la Norvège est très forte, plutôt dans les disciplines de vitesse, avec Svindal, etc. Ouais, c'est vrai qu'il y a un vrai match entre la Norvège. Il y a une vraie densité, en tout cas, dans les équipes norvégiennes. C'est plus normal dans les équipes autrichiennes, puisque c'est vraiment le sport majeur en Autriche, le ski. Romain, justement, je voulais rebondir sur ça. Alexis Pinturo peut-il aller chercher le slalom géant, peut-être aux Jeux Olympiques, où la domination de Hirscher est trop importante là-dessus? Ouais, moi je pense qu'il peut. Je pense qu'il peut. Après, on reste très méfiant parce que lors des derniers championnats du monde, c'était l'année dernière, il était passé au travers des championnats du monde alors que tout le monde l'attendait pour aller chercher l'or ou ne serait-ce qu'une médaille. Il l'avait pas fait, donc certains disent que pour le moment, c'est plus un skieur de manche de Coupe du Monde que de grands événements. Après, moi je pense qu'il a vraiment le potentiel, que c'est un skieur avec beaucoup de mental et qui est maintenant, voilà, c'est confirmé, hein, ça fait plusieurs saisons qu'il rentre remporte des manches de Coupe du Monde importantes. Mais Hirscher est impressionnant. Ouais. Tout le monde veut essayer de le battre dans toutes les disciplines techniques. Et c'est un skieur, comme je te l'avais dit avant l'émission, qui annonçait pourtant au début de la saison qu'il était un peu blessé, qu'il allait peut-être se préparer et rater la Coupe du Monde pour se préparer directement pour les Jeux Olympiques. Au final, il est là et puis il est plus que là, c'est-à-dire qu'il remporte quasiment toutes les manches de Coupe du Monde sur lesquelles il se place. Donc moi je vois Pinturo autant que Christophersen comme un outsider, mais un très fort outsider, ouais, déjà pour sérieux. Un podium qui doit faire, c'est même leur devoir, pour l'un comme pour l'autre. Ouais. Pour Christophersen plus en slalom, et je dirais pour Pinturo en slalom géant aux Jeux Olympiques, et pour aller très haut en Coupe du Monde. Après, Hirscher, c'est vraiment l'épouvantail. Moi, c'est même un sportif plus largement qu'un skieur qui m'impressionne, ouais, okay, et qui est sans doute un des meilleurs des 20 dernières années comme multi-skieur. Est-ce que vous voulez réagir sur peut-être les autres Français ou pas du tout? Je sais qu'il y a Adrien Théo qui est 18e du classement général, qui pourrait peut-être faire quelque chose. Alors, je sais pas, il y a Mathieu Fèvre qui avait fait 2e à Val d'Isère, si je ne me trompe pas. Ouais. Donc, sur les autres Français, Adrien Théo, c'est plus un skieur de super G, voire de descente. Or, il n'y a pas eu beaucoup de descentes cette année. Beaucoup ont été annulées. Il y a eu juste celle de Lake Louise, il me semble. Du côté masculin, on sait qu'il y a une densité aussi en slalom. Pourquoi pas voir le retour d'un Jean-Baptiste Grange, d'un Mufa Jandé. Pourquoi pas? On sait que là, on a le plus de chances de médailles, c'est dans les disciplines techniques. Après, je pense qu'on va parler du ski féminin après, mais en slalom masculin, je vois quand même difficilement autre chose que Hirscher, Christophersen et Michael Matt, le frère de Mario, qui avait remporté pas mal de courses aussi, et qui est vraiment exceptionnel cette saison. L'Autriche va postuler encore une fois à toutes les victoires en descente. On sait qu'ils ont Matthias Mayer qui est vraiment impressionnant. En face, en descente, je parle, il y a aussi la Squadra Azzurra, Peter Phil et Dominique Paris. Les Suisses aussi vont avoir leur mot à dire. On sait qu'ils sont un peu plus dans le trou et qu'ils ont plus de densité au niveau des femmes. Mais pourquoi pas une lutte aussi avec la Suisse? Ouais, non, sur les disciplines juste effectivement de vitesse, c'est un peu différent. Il y a comment dire, moins de régularité. On a des skieurs qui sont capables de faire vraiment un gros coup, et donc effectivement, pourquoi pas par exemple une médaille olympique. Adrien Théo, Johan Claret, quelqu'un comme Mathieu Febvre, bon, c'est plus pour le slalom géant par exemple. Mmh. Donc entre le technique et la vitesse pour le coup. Mais voilà, il y a certains descendeurs qui sont très réguliers, ils sont plutôt en Norvège. Jansrud notamment. Effectivement à Svindal et Jansrud, mm, ou en Italie, je ne vais pas les reciter, ou éventuellement quelqu'un comme Bitfuzz pour, ouais, les Suisses. Nous, on est plus vraiment là dans la partie outsider. Voilà, c'est mecs capables de faire un coup sur une course d'importance. Voilà, on espère que ce sera sur une grosse descente de la saison ou effectivement un super G et encore mieux aux Jeux Olympiques. Voilà, alors que on a plus de certitude avec Pinturo effectivement, mmh, et aussi qui ont plus de pression sur les épaules, donc ce qui sera plus compliqué. On enchaîne sur le ski alpin féminin. La domination, on disait, de Marcel Hirscher, mais là, qu'est-ce qu'on peut dire de la domination de Michaela Schifrin, parce que 1281 points, la deuxième qui est Wendy Holdener, la Suissesse, a seulement 560 points. Donc Michaela Schifrin a plus du double des points de la deuxième. Et pourtant, Holdener fait une super saison. Mais Schifrin, voilà, on parlait de Hirscher, roi du ski alpin. Schifrin, c'est la reine du ski alpin. 10 dernières courses, 8 premières places. En 2018, c'est elle qui a tout gagné. Elle a tout gagné. Sur ses 6 dernières, ses 6 derniers slaloms de la saison, 5 premières places. Elle est intouchable dans les disciplines techniques. On pense au slalom, on pense aussi au géant où elle peut faire de grandes choses. Schifrin, c'est vraiment la star de la discipline. Derrière, c'est plus ouvert chez les femmes, c'est plus compact, notamment, bon, on passe au slalom féminin, c'est un peu comme au slalom masculin, il y en a trois qui se détachent vraiment, c'est Wendy Holdener, la Suissesse, et Frida Hansdotter, la Suédoise. Pour le géant, c'est peut-être la discipline la plus ouverte. On a forcément Tessa Worley, qui a quand même fait trois deuxièmes places en 5 courses. On a donc Michaela Schifrin qui vient de gagner à Kranjska Gora en Slovénie. Elle est sixième de ce rôle. Ouais, Victoria Revensburg aussi qui est un peu la clone de Tessa Worley, elles se battent très souvent pour la première place et le petit globe en géant. Et on a là encore une équipe d'Italie très compacte avec Sofia Goggia qui a fait 3e à Kranjskagora et Brignone qui a remporté Linz et qui est toujours et très souvent bien placée. Je voulais savoir, Linz Evon, moi qui est un peu amateur de ski alpin, peut-elle jouer un niveau rôle dans d'Outsider cette année, sachant qu'elle avait gagné cette année le Super G de Val d'Isère en décembre. Dans les disciplines de vitesse, là encore, comme pour les hommes, il y a eu des problèmes au niveau des descentes, il y en a eu très très peu. Elle peut, je pense, en descente, faire quelque chose, surtout que... Ah. Oui, c'est normal, au bout de quelques temps, le téléphone nous coupe, hein. C'est normal. Je pense que Romain est perdu. Pas payé la facture. Il n'y a pas payé la facture. Non, en descente femme, il y a moins de densité. On sait que Tinea Weirater, la skieuse du Liechtenstein, fait une super saison, notamment en Super G, où elle fait 3 podiums à toutes les places, une fois première, une fois deuxième, une fois troisième. En descente, pourquoi pas Lynn Seven qui peut faire quelque chose. En Super G, j'ai du mal à ne pas voir Weirater sur le podium. Derrière, on a Navette, on a Jasmine Fleury. Pourquoi pas Sofia Goggia aussi qui revient fort. On parlait des Norvégiens. Les Norvégiennes sont pas trop mal aussi. Il y a un peu un renouveau de génération avec Ragnhild Mowinckel qui est souvent très très bien placée. Donc là encore, de belles courses qui est en perspective. Okay. On a récupéré Romain et je voudrais bien que tu fasses un petit point peut-être sur les espoirs françaises. L'espoir français du coup, mais pour les françaises. Donc les espoirs français. Peut-être Worley, est-ce que Worley peut aller chercher un titre aux Jeux Olympiques et on a noté, enfin on a parlé juste avant l'émission par téléphone un petit peu quand même un manque de concurrence au niveau français au niveau du ski alpin féminin. Ouais, parce que je sais qu'Adeline Beaune-Munier 45e, Tiffany Gauthier 54e, ouais. Romane Miradoli et plein d'autres, Nastasia Noens par exemple, ouais, qui sont très loin. Nastasia Noens qui était notre meilleure slalom et qui a beaucoup de mal cette saison. En slalom, on n'a pas une fille dans les 30. Ça, c'est quand même assez incroyable. En descente, on a encore beaucoup de mal. Donc, on a Worley, qui est vraiment l'arbre qui cache la forêt. Derrière, c'est très jeune. Ça n'a pas encore beaucoup d'expérience. Ça sort de Coupe d'Europe. Ça va être difficile. Je pense que les filles vont... Enfin, au niveau du ski alpin féminin, ça va juste surtout se jouer avec Worley. Mais je pense que Romain va mieux en parler. Vas-y, Romain, je t'en prie. Ouais, mais c'est ça, on est très dépendant finalement de Tessa Worley, qui est pour le coup une skieuse assez incroyable et qui fera partie, je pense, des meilleures skieuses que la France aura eu clairement, et qui l'année dernière avait fait une saison incroyable en slalom géant. Alors on espère qu'elle va faire de même, d'autant plus en cette année olympique. Elle est plutôt partie sur de bonnes bases. Ce qui a quand même un peu changé, c'est qu'elle l'emporte un peu moins souvent que l'année dernière. On parlait de Michaela Schifrin qui est incroyable. Pourquoi aussi incroyable? Parce que elle fait partie de ces rares skieuses qui est capable de s'exprimer sur tout type de course, hein, que ce soit discipline technique ou plus de vitesse, hein. Elle a même gagné une descente cette année, c'est remarquable. Tessa Worley, c'est vraiment sa spécialité, c'est le slalom géant. Et moi, je la vois capable d'aller chercher une médaille, ça c'est clair. Parce que par contre, elle a une grande régularité, ce que nos Français n'ont pas toujours dans le sport de haut niveau. Elle est toujours au moins 4-5e et beaucoup, même très souvent, j'ai envie de dire, sur le podium. Après voilà, on espère vraiment même l'or pour elle sur les Jeux Olympiques, et puis qu'elle remporte d'autres slaloms géants ces prochaines semaines. Après, effectivement, la différence, c'est qu'il y a un gouffre. On parlait du côté messieurs de certains skieurs qui sont capables de réaliser des coups. Là, la différence, c'est que vraiment l'équipe de France de ski alpin dépend totalement de Tessa Worley, parce que dans les disciplines techniques, notamment, on parlait du slalom, on a eu certains bons espoirs, mais qui sont blessés et qui sont jamais revenus vraiment au niveau et qui n'ont pas passé de palier. Et quand on voit que maintenant on est content quand juste Adeline Beaumunier ou d'autres font un top 20, on voit très bien qu'il ne faut pas se faire d'illusions pour aller chercher des podiums en slalom sur la vitesse en Super G par exemple. On termine parce que on va être encore en retard, je pense qu'on reprend pas, mais même on reprend du temps en retard, je pense, mais on va faire le biathlon un peu plus rapidement. On va parler donc de la confrontation toujours entre la France et la Norvège. Décidément, au biathlon masculin, ça ne se décide qu'entre la France et la Norvège. Est-ce que on se dirige vers un duel Fourcade contre Johannes Bø? Ah, totalement. totalement. Fourcade qu'on a dans... qui a eu un peu de mal en début de saison. Il a attendu un peu avant d'avoir sa première victoire. C'était pour la poursuite masculine d'Östersund. Après, bon, il finit quand même à Oberhof avec deux victoires dans la poursuite et dans le sprint. Donc on sent que c'est quelqu'un qui monte en puissance. Derrière, on sent qu'il n'y a qu'une personne qui peut le titiller, c'est le frère de Tarier, hein, donc le plus jeune, Jonas Bø. Il y a Jakob Fak aussi. Ouais, Jakob Fak, mais qui est quand même plus irrégulier. Ou Chipolino aussi. Ouais, qui peut faire des coups. Sur, pourquoi pas sur une individuelle ou un sprint, ils peuvent faire un coup. Sur une... Après, je les vois mal quand même titiller les deux principaux qui sont clairement Martin Fourcade et Jonas Bø. Est-ce qu'on peut aller chercher, que ce soit chez les filles ou chez les hommes, les relais mix ou même hommes ou femmes aux Jeux Olympiques? Je sais que les femmes ont gagné d'ailleurs ce week-end, ouais. Le relais féminin, Bescon, Chevalier, Aymonier et Brésage qui ont gagné ce week-end. Est-ce qu'on peut aller chercher le triplé, c'est-à-dire mix hommes et femmes? Alors, le triplé, c'est compliqué parce que tout dépend des conditions climatiques. On l'a vu hier, ça a été très compliqué pour les messieurs avec beaucoup de vent. Mais on a une équipe féminine qui est très compacte avec Aymonier et Chevalier qui sont jeunes mais qui risquent de très bonnes performances. On attendait Marie-Dorin Haber, mais alors elle a complètement explosé cette saison et elle sort pas la tête de l'eau. La super satisfaction cette année, c'est Justine Breza qui fait vraiment une année extraordinaire, qui titille Makarainen, les Dahlmeier, les Domracheva. Donc c'est notre tête de gondole et c'est elle qui, je pense, va nous rapporter des médailles s'il y en a en individuel, voire en relais. Pour les messieurs, on a vraiment un très très bon relais, Simon Détieu, Martin Fourcade. On a vu le jeune aussi, dont j'ai oublié le nom hier. Igonin. Merci. Voilà, donc on peut viser quelque chose. Après, le relais, c'est quelque chose d'assez aléatoire. Il suffit qu'il y en ait un qui explose et tout est remis en cause. Ok, je suis désolé, on va couper court et on va finir par le ski de fond. Maurice Magnifical, donc le français, peut-il aller chercher aussi une victoire quant à lui aux Jeux Olympiques face au duo Sunby Colonia qui semble au-dessus des autres? Je sais pas si... Ouais, peut-être Romain, si tu voulais réagir dessus, si tu suis un peu le ski de fond ou pas. Ouais, je suis alors un peu plus loin que le scalpin le biathlon, mais effectivement Maurice Magnifica c'est un skieur de fond qui est là sur le circuit de la Coupe du Monde depuis maintenant un bon nombre d'années. Hein. C'est un peu justement notre porte-étendard dans cette discipline. Il a une certaine régularité au plus haut niveau, il est capable de réaliser de bons résultats. Cette année, il a été surprenant effectivement en remportant une manche de Coupe du Monde. Après, on sait que c'est une discipline où les résultats français fluctuent quand même. Et donc d'ici les Jeux Olympiques, il faudra voir comment ça se passe et où il y a certains mastodontes aussi qui eux sont toujours sur les podiums comme Colonia ou Sunby. Donc je sais pas si on peut vraiment penser avec certitude que Maurice Magnifica sera même dans le top 5 au ski de fond. Voilà, hein, c'est un peu compliqué à dire. Après, cette année, il a remporté même une manche de Coupe du Monde. Donc, en tout cas, on a de l'enthousiasme autour de l'équipe de ce qu'ils font en France. Et s'il y en a un en qui on peut croire, c'est bien lui. Ok. Côté, ouais, c'est vrai qu'on a plus de mal. Pour terminer, vraiment. Ouais, ce qui de fond féminin, on a beaucoup plus de mal. On a Anouk Fèvre-Picon et Aurore Jean qui essayent de sortir un peu la tête de l'eau. On a beaucoup plus de mal. Et je voulais t'en parler très rapidement aussi du saut à ski. Il y a deux monstres là qui sont en train de s'affronter. C'est Camille Stoch et Richard Freitag qui font des performances assez ahurissantes. Camille Stoch, il reste sur plusieurs premières places, il va sûrement remporter le tournoi des 4 tremplins, donc il reste sur 5 premières places, donc voilà, on les attend aussi aux Jeux Olympiques. On aurait pu parler beaucoup d'autres choses, notamment du patinage Papadakis et Cizeron, le duo français, mais bon, on n'a pas le temps, on en parlera surtout quand les JO d'hiver auront commencé, tout simplement. On va faire notre deuxième pause musicale avec un son FIFA, oui Guillaume, je sais qu'il adore ça. C'est enfin l'artiste No Wild et c'est le titre Let Me Know. Très bon ça. Let me know, don't let me go. I Is it cause of us? Are you giving up? Are you giving up? Hold up, you try to say you're done and you're moving. But you play my tracks when you're driving loud to hear my voice when I'm not around. And now you say that you want it all, but if you leave you can take it all. Stayed when you leave our life will fall into boxes. Only wish I had time left to stop this. If it's changing up and you feel like giving up cause you think I had enough, girl I need to know. Put your stuff down, we can roll out, no wasting time now. Let's go. Show I'm ready to go where the road takes us. Trust that I'll do what I must. I roll up ready to go, no time for no shows. Let's explore finding you home or homes. Path unknown, but that don't faze me. I'm not alone, I don't need a maybe. I wanna know if we can do this, don't take it slow. Cause of you, I know what I waited for. Know what I'm living for, and I can't ignore. Cause I know what I'm fighting for. De retour sur Sprout & Chill, c'était No Wild et le titre Let Me Know, un FIFA titre 2016. De FIFA 2016 pour les puristes. On va passer tout de suite à la parole des Toad Chillers. C'est Omar, la parole est Toad Chillers. Et la parole est aux Chillers. On va faire trois attentes en fait de l'année 2018. Ce que vous attendez le plus. Et on va commencer par vu qu'on parlait sport d'hiver, on va continuer là-dessus. On va parler de avec Théo. Toi, ton attente, c'est des beaux sports d'hiver. Quoi. Ah ouais. Des beaux JO. Ouais ouais. Là, ça fait c'est long 4 ans. Hein. Ça fait 4 ans que vous attendez depuis Sochi. En plus, c'est en Corée du Sud, donc vraiment un tout nouvel univers qu'on va découvrir. On espère que il y aura pas trop de problèmes avec les voisins du Nord, mais ouais, des beaux. Il y a des stars de la discipline. Provoquer l'avalanche. Il y a des stars de la discipline. Il y a Schifrin, il y a Hirscher qui vont nous éblouir, qui vont, on espère, battre des records. On a des Français qui sont pas mal. On pense, du coup, on a parlé à Pinturo, à Tessa Worley. Dans tous les sports, ça va être. On va revoir des sports aussi qu'on n'a plus l'habitude de voir, le curling, le patinage de vitesse, quelque chose. Non, j'en regarde souvent. Le hockey sur glace. Le hockey sur glace. Ouais, des sports qu'on voit peut-être qu'une fois tous les 4 ans, mais qui nous font plaisir quand on les revoit. Donc on espère de très beaux JO d'hiver à Pyeongchang et on se donne rendez-vous en février. Nickel, très synthétique, parfait. Je suis désolé, personne va pouvoir réagir parce que sinon on n'aura pas assez le temps. Deuxième attente de l'année, c'est du tennis avec une joueuse qui est revenue dans le circuit WTA et c'est Bartoli, notre française. Ben oui, le retour de notre cher Marion, vainqueur de Wimbledon. Le tennis féminin français a besoin d'une figure charismatique vu que Mladenovic. Sur une belle série. Et c'est une série de 14 défaites consécutives, même si cette année nous avons quand même eu notre impératrice de Chine, voilà. Caroline Garcia. Le tennis, les hommes ont gagné la Coupe Davis, donc autour de ces dames de redonner le goût à ce sport, on a besoin de nouveaux leaders. Nouvelle Amélie Mauresmo, nouvelle Marie Pierce, donc j'ai quoi à ce retour? Ce sport, on a besoin. On a déjà Alizé Cornet, alors. C'est ouais, c'est pour la comparaison, il doit refaire. On finira là-dessus. Et pas forcément emballé, ouais. Dernier. Et dernière attente de l'année, c'est Ocon. J'en ai eu d'autres aussi, la France à la Coupe du Monde évidemment, parce que je suis quand même dubitatif. Et finalement ça a été Ocon, puisque c'est celui qui m'a fait presque la meilleure impression l'année dernière. Donc du coup c'est celui dont j'attends le plus cette année, vu qu'il a quand même ébloui la F1 pour une première année avec cette... 8e place au général et puis en moyenne des très bonnes performances sur chaque Grand Prix avec une vraie régularité, ce qui n'était pas arrivé français depuis quelques temps. Donc voilà, c'est un sport qui m'intéresse beaucoup et ça me fait plaisir de voir un et voir des Français maintenant même, comme ils sont de plus en plus, réussir. Et lui, je pense qu'il est vraiment le plus talentueux et en qui je nourris les plus espoirs, étant donné qu'en plus il aura une voiture qui sera de qualité l'année prochaine encore, puisqu'ils auront encore le moteur Mercedes qui va subir quelques petites, enfin subir justement de manière positive, avoir quelques évolutions. Donc je suis dans l'attente de voir un Ocon petit à petit se greffer dans le top 6. J'aimerais l'année prochaine, ce serait déjà une sacrée performance de battre plus régulièrement aussi son concurrent chez Force India, s'il reste toujours le même, et même n'importe quel concurrent, il faudra le battre, j'espère pour lui. Et puis surtout, voilà, s'installer encore durablement dans le top 6, et puis pourquoi pas faire une belle performance pour le retour du Grand Prix de France. Ça serait quand même historique, puisque le Paul Ricard est un grand circuit, et on rêve de voir un Français faire au moins un podium là-bas. Et je pense que cette année, on a vraiment la possibilité avec les jeunes qui arrivent, et puis surtout Ocon, qui je pense a une maturité très précoce et qui peut, dès l'année prochaine, bouleverser un petit peu la hiérarchie, en tout cas celle du top 5 mondial en F1, quoi. Ok. J'avais dit peut-être à Romain que tu ne pourrais pas donner ton attente, mais on a récupéré beaucoup de temps. On est gentil, allez. On est très gentil. Comment c'est que t'es rapide. On te laisse faire ton attente de 2018. Et toi, je suppose que ce sera donc le 15 de France, je suppose. Ah, ouais. Non, mais après, bel esprit de saint. Le 15 de France le 11 Mais j'étais plus sur le 11 parce que c'est positif, okay. Mais à toi de me dire sinon. Ah non, vas-y, je t'en prie. Tu veux du conflictuel ou tu veux du positif? Allez, du positif pour le début d'année. Ah, allez, ouais. Mais effectivement, après l'esprit de synthèse de Théo, ça me permet de donner un peu mon impression. Donc l'équipe de France de football, effectivement, tout simplement pour toucher deux mots de la Coupe du Monde 2018, hein, si on a deux événements à retenir cette année, c'est l'hiver et cette fameuse Coupe du Monde. La course pour le titre. Alors des attentes. Guy craint un petit peu pour cette équipe de France, il a pas tort, parce qu'il faut pas s'imaginer trop beau trop vite, et c'est souvent ce qu'on fait en France. Je m'enflamme pas, en tout cas, il y a une belle Coupe du Monde à venir en Russie, que je pense qui sera relativement ouverte, voilà, où il y a même des équipes qui sont qualifiées difficilement, je pense par exemple à l'Argentine, qui peuvent être dangereuses en Coupe du Monde, mais j'espère que la France à la fois confirmera quand même son bon résultat de l'Euro, même si c'est un échec bien sûr, hein, on ne reviendra pas dessus de pas avoir gagné la finale, mais en tout cas d'être capable d'élever son niveau par exemple comme contre l'Allemagne et sera capable de le refaire en Coupe du Monde lorsqu'on arrivera en phase finale. Et puis voilà, pourquoi pas rêver d'une équipe de France tout en haut fin 2018, enfin à l'été 2018. Quelque chose de très incertain, mais en tout cas une belle génération qui est capable d'être surprenante et parfois sans briller dans une Coupe du Monde ouverte. Tout est possible, hein, en 98, ça nous l'avait prouvé. Okay. Très bien, parfait. Je crois plus en Ocon quand même. Le quiz devait intervenir à 20h30 et il est 20h31. On a récupéré ça depuis notre temps. Et d'ailleurs, justement, on va passer tout de suite au jingle quiz. Sport and chill, le quiz. Et là, j'ai une question pour toi, Romain. Une question qui me fait peur, malheureusement, de la réponse. Je sais que tu fais souvent les quiz de l'équipe. Est-ce que tu as fait un quiz de l'équipe sur l'année 2018? Non, mais cette fois-ci, tu vois, je l'ai pas. Le seul qui l'a loupé, tu vois, c'est tombé sur celui-là. Nickel. La chance. Parce que bon, généralement, je fais un quiz avec plein de questions de tous les sites sportifs, mais bon, là, pas faute de temps, mais faute d'envie, j'ai tout copié sur l'équipe. Donc c'est un quiz. Mais j'avoue que des fois, grâce à l'équipe, j'ai trouvé certaines des questions que tu posais. Souvent, n'aie pas peur de le dire. C'est un quiz donc spécial année 2018. Merci pour la musique. Ah oui, super, Jean-Pierre. Il est content chaque fois en l'avançant en plus. Première question. Sourire. Donc rapidité. Attention, le quiz est plutôt facile, je trouve, aujourd'hui. Correct. Ouais, pour une fois. Qui est l'entraîneur de foot qui va participer cette année au Paris-Dakar 2018? André Villas-Boas. Ah. André Villas-Boas, l'ancien entraîneur de Tottenham, Chelsea, Porto ou encore le Zénith. Entre le 6 et le 20 janvier, ça a commencé d'ailleurs le Dakar. Le Dakar. Donc point pour Théo. Je vais te dire, je viens de s'appeler. Rapidité toujours. Traversée du désert. où se déroulera les championnats d'Europe de handball masculin cette année. C'est quoi, ça va Non, ça va commencer là. Le championnat du Oslo, d'Europe, Danemark, de handball masculin cette année. Ouais. Norvège. Il ne l'avait pas reçu depuis 2000. Enfin, un tournoi de hand. La Suède. 2000. C'est un pays très important du hand. Espagne. Allemagne. Espagne, Allemagne. Croatie. Serbie. La Croatie. La Croatie. T'avais dit quoi, Romain? Non, mais que ça allait être le retour d'une belle finale à Zagreb, a priori. Oui, d'accord. Mm. Je croyais que tu avais dit Zagreb en même temps, donc c'est pour ça. Dommage. Non, je l'ai dit dans la foulée, mais il était pour moi. Football, rapidité. Le 31 mars 2018, aura lieu la finale de la Coupe de la Ligue. Où aura lieu cette finale? À Bordeaux. À au Roizen Park. À Bordeaux, dans le Matmut Atlantique. Elle donne pas envie à celle-là. Yeah. Oh là là là. Et oui, mais bon. Ouais. Alors que le club sera déjà en Ligue 2. Ça se passe pas au Stade de France comme ça habituellement. Ça s'exporte. Formule 1. Ah. Rapidité toujours. Qu'est-ce qui a été instauré cette année en Formule 1? Le halo. Joli. La mise en place d'un halo, c'est-à-dire une grosse visière, on va dire, sur très les moche. Monoplaces, permettant une ça, protection pour la tête du pilote en cas de crash. Mm. Ça suscite pas mal d'interrogations, oui, en effet. C'est très peu esthétique. Après, ouais, c'est sécurité. Enfin, même c'est sur l'efficacité, il y a quelques doutes quand même à voir. Sur la vision du pilote aussi. Parce que c'est ouais, assez, ouais, c'est ce qui a fait débat aussi. Ouais. Donc ça fait débat, champ, mais ça va être introduit donc cette année. On verra bien ce que ça donne. On verra les réactions des pilotes. Cyclisme. Ah, c'est pour moi, ça. En avril aura lieu une nouvelle fois le Paris-Roubaix, qui était le dernier vainqueur de la course. Van Avermaet. Van Avermaet. Oui, Van Avermaet. Le bel Greg. En retard, Van Avermaet. Voilà, photo finish. Est-ce qu'il y a un décalage de Lyon à Montpellier? Je ne sais pas. Non, possible. Mais Théo qui enchaîne là. Hein. 3 points. Très léger, mais Théo est fort. Marathon. Avril, alors que le marathon de Paris se tiendra également donc le 8 avril. Déjà, on va faire un tour de table. Quel est le record de la course? Du marathon de Paris? Du marathon. Tu commences, Dimitri? Allez. Je t'en sors. C'est cadeau, ça. C'est cadeau de Noël. Allez, Dimitri. Ouais, bah, deux heures. Non. Même moi, je vais faire en 2 heures. Je regarde. Le marathon, 42, t'es 40... solide si tu le fais en 2 heures, le marathon. Oui, là, 42,195 km. Ouais. Merci. Marathon, je vous rappelle. Allez, les gars. Bon, 1h50. Je pense que ça va pas être très long. 1h50. Ouais. 1h42. Ah, 1h42. Dimitri, c'est toi qui devais répondre en premier, c'est lui qui va répondre en dernier. Il est malin celui-là. Hein. Allez, on va dire 1h45. 1h45. Ouais. Romain. Allez, 2h05. Oh, tu sous-estimes. De quoi tu sous-estimes? Est-ce que t'as des secondes? Tu peux me dire. Ah non, c'est ça. 2h05. Putain, ils sont lents. Et 3 secondes. Ils sont lents. Hein. 2h. C'est 34 secondes. Moi, ça me paraissait rapide, mais il m'a mis. Ouais, non, c'est 3 secondes. En effet, parce que dernièrement, les marathoniens, ils cherchent à franchir la barre des 2h en dessous. Des 2h, ouais. Et donc, il y a beaucoup de tests qui sont faits au niveau de ça. Donc, 2h05 et 3 secondes. Point ça pour moi. Bon, là. Alors là, non, je sais pas pourquoi j'ai vu ça trop haut. Foot encore. Peut-être parce que j'ai fait 2h15. 26 mai. Finale Ligue des Champions, rapidité. Hein. Quel stade? Je sais même pas. Je sais bien les stades. Stadio de la Luce, magnifique. La Mosson. Ah, Kiev. Il y a eu un San Siro de Rome. Ah, je crois qu'il a raison. Non, non. Kiev. Kiev. Oh. Le stade olympique de Kiev, en effet. Bien joué. Voilà, oh ça c'est ouais, solide. Ouais, faut aller chercher celui-là. 3 points pour Dimitri, 3 points pour Théo, 1 point pour Romain. Et combien moi? Bonjour Guillaume. Salut. 0. Rapidité, 14 juin, ouverture de la Coupe du Monde de football. Quel match d'ouverture? Arabie Saoudite Russie. Ah, Arabie Saoudite Russie. Ah, il est dur celui-là aussi. Il est superbe. Je te le compte pas parce que c'est Russie Arabie Saoudite. Oh. Dur. Ah, c'est dur ça. Là, allez, point pour Théo. Ce sera le match pour mon anniversaire si c'est pas beau. En juillet, donc tennis, vainqueur de. On va faire un tour de table. Vainqueur l'année dernière du tournoi, combien de fois Roger Federer a-t-il gagné Wimbledon? Dimitri, tu commences cette fois-ci vraiment. Ah, si. Là, cette fois-ci, oui. On a dit 13 fois. 13 fois. Voilà, c'est beaucoup ça. 13 fois Wimbledon? Ou t'as pété un câble? Non, déjà 5, c'est beau, non? Ah oui, allez, je crois que ça doit être par là. Hein. Non. Tu dis quoi, toi? Allez, 4. 4. Romain, je pense qu'il cherche sur internet. Romain, dépêche-toi, Romain, là, il n'y a pas de décalage avec Lyon. Moi, je dis 7. Ouais, les gars, vous l'avez un peu sous-estimé. 8. 8. Ah, oui, okay. Qui a gagné de Wimbledon. Point pour. Il a craqué quand même. 8 quand même, c'est vrai que c'est énorme. C'est quand même pas mal. Ouais, d'ailleurs, il a fait un t-shirt, enfin, même un truc spécial avec Roger. Et à la place du G, ouais, c'était un 8. Ouais, je me rappelle. Voilà. Même. Trop tard. Golf. Important, septembre, la France va accueillir pour la première fois la Ryder Cup en golf, donc du 28 au 30. Je vous donne 3 points si vous me trouvez la ville. Et Évian. 2 points si vous donnez le département. C'est pas Évian ? Non. 34 à Limoges. Non. Dans la Creuse. 0-2-0. De Marne. 2 De Marne. Non. Non, non. 30. Si vous connaissez un petit peu le... précise hein, parce que région parisienne c'est un peu grand. On c'est 24. C'est le Saint-Denis ? Non, c'est le golf national je crois si je me trompe pas de France. 91, 92, 93, 94, les Yvelines. Ah, je sais pas. Les Yvelines ouais, pour. Je sais pas les Yvelines. Ah, c'est 94 je crois non. Oh. Yvelines déjà 2 points. Si quelqu'un trouve la ville, je vous donne 3 points. Oh là. Ouais, ouais. Non. Non. Saint-Quentin en Yvelines. C'est, voilà, c'est, où... connu, c'est là où se trouve le golf national français. Voilà. Ouais, on le saura. Ouais. Et ça va être important puisque la Ryder Cup, c'est quand même aidé national. Avec la région parisienne. Oui, ouais, ouais. Effectivement. Ouais. J'ai plein celui-là. Volley. Championnat du monde de volley masculin. À faire un tour de table. En train de prendre une volley. En septembre. Dans l'histoire, quel est le meilleur classement des Bleus donc en championnat du monde ? On va faire un tour de table. Guillaume, tu commences. Oh bordel. Mais je pensais déjà qu'ils avaient gagné au moins une fois la Coupe du Monde. Bah cool. Peut-être, c'est possible. C'était le premier. Mais il y a un truc avec la Ligue Mondiale et tout. Là. Ouais, c'est ça qui me met en doute. Championnat du monde. Ouais, championnat du monde. Hein. Le volet, ouais. C'est compliqué. Ouais, je vais dire demi, mais c'est le flou tout seul pour moi. Donc deuxième. Troisième. Ouais, troisième. Ouais. Troisième ou quatrième ? C'est important. Enfin, parce qu'il y a des matchs de classe. Ouais, je pense qu'ils ont quand même gagné le match de demi-finale. Même s'il n'a jamais eu lieu, peut-être. Donc troisième. Ouais. Ouais, moi, franchement, je crois que c'est un truc genre ouais, sixième. Sixième ? Ah ouais, c'est tant que ça. Ouais, je sais Romain, pas si tiens, passé, Romain, toi, pour. Ah, et ben moi, je vais dire quatrième, dans ce cas. Pour et toi, Dimitri ? Deuxième. Point pour Guillaume, troisième. Oh, oh l'exploit ! La remontada, ah, c'est incroyable, il ouvre le score, enfin, il était temps. Troisième, c'était en 2002. J'avais peur de rester à zéro trop longtemps. A noter, je crois qu'ils ont gagné. Zéro comme le nombre de kilos qu'ils ont perdu depuis le début de l'année. Ils ont gagné le championnat d'Europe dernièrement. Guillaume qui est un peu notre Sorderloon. Ouais, la même efficacité en rapidité. En octobre, qui défendra son titre au Masters de Bercy ? Goffin ? Ah non, ah non, c'est l'autre. L'américain là. Soc. Romain qui merci Romain. Romain qui donne des points. Jack Sock. Je vous donne. Les gars. Ah, c'est le Père Noël. Allez, je suis très sympa. Je vous donne 3 points si vous trouvez le finaliste. Krasnovic. Ouais, je sais plus quoi là, Krasnovic. Si tu me le dis bien, peut-être. Karlovic. Kachinovic. Non, vas-y, dis-moi. Krasnovic. Kasovic. Allez, je te donne 2 points, c'est Krasinovic. Ah, attends, apparemment Romain l'avait dit. Ah oui, je l'ai dit plusieurs fois, vous pouvez faire ralentir. On n'a pas la photo finish. Est-ce qu'on a le replay? Allez, bon allez, je donne 2 points aux deux. Sympa. Comme ça, Guillaume est encore plus en retard. Ouais, merci. Ouais. Tu veux des déjà, points, Guillaume? Déjà, j'étais en retard. Pose une question box. Non, il n'y en aura pas puisque c'est la dernière question, mais c'est une question NBA. Ah, oula, je peux peut-être... Rapidité. Je vais le doubler. Non, tour de table. Tony Parker va revenir sur les parquets donc de NBA bientôt avec, après sa blessure. Quelle année entamera-t-il en NBA ? Et Romain, tu commences. Combien de saisons, je veux dire. Romain, tu commences. Ouais, la combienième de saison, si tu veux. Wow. Oui. Désolé. Je vais dire. Facile. Enfin, j'ai peur de dire une grosse connerie, quoi. J'en dirai une, t'inquiète pas, vas-y. Oui. Allez, 14e. 14e. Moi, ouais, j'y vais parce que. Vas-y. Ouais. Bon, je dirais moi, allez. Ah, ça fait longtemps qu'il. 18ème, allez. 18ème. 16ème. 16ème. Guillaume. Ah, il cherche sur internet, Guillaume. Non, j'en tirage. 15ème, allez. Bah, c'est peut-être le moins spécialiste de NBA qui marque le point. 18e saison. Pour Tony Parker en NBA. Et c'est ce dernier point qui scelle définitivement la victoire, même s'il était bien devant. Et je peux même dire, bon, après j'ai donné beaucoup de questions à plusieurs points, mais en tout ça fait 8 points. 8 c'est points bon, pour Théo sur ce. Je passe pas si loin du titre finalement. Non, ouais. Franchement, non, pas très loin. Ça va, t'avais bien honneur. Fini en 2017, mais là en 2018, faut ouais, je reprends de plus belle. C'est ouais, les fêtes un petit peu. Je suis encore un peu sous les, dommage, sous les gâteaux, les foie gras, tout ça. Le poids va se perdre petit à petit, j'espère. On va terminer avec l'agenda de la semaine. Le football, championnat étranger, j'ai noté les gros matchs évidemment. Vendredi, Leverkusen Bayern. Samedi, Tottenham Everton, Leipzig, Schalke ou encore Real, Villarreal. Et dimanche, Liverpool City. Ça sera d'ailleurs notre pronostic de la semaine. Coupe de France, si vous voulez, ça vient de tomber aussi. Il y a Monaco-Lyon en affiche. Ah ouais, bon, bon intéressant, intéressant à savoir. Monaco-Lyon. Montpellier-Lorient aussi. Voilà, bon, ce qui nous intéresse le plus aussi pour Montpellier. D'ailleurs, la Ligue 1, samedi, Rennes-OM par exemple. Montpellier recevra dimanche Monaco à la Mosson. Et il y aura Nantes-PSG donc, pour le match du dimanche soir. Pas si mal celui-là aussi. Le rugby, Théo. C'est la Coupe d'Europe, c'est la Champions Cup. Du coup, on aura La Rochelle qui ira en Ulster, Clermont qui ira au Northampton Saints, pardon. Ouais. Dans le groupe de Montpellier, Leicester Glasgow et Montpellier qui ira à Exeter. Très bon important match. Comme match. En basket, Guillaume. Mercredi, on aura un petit duel intéressant entre les Warriors et les Clippers, même si les Clippers sont en grande difficulté. Aussi, dans le même soir, on a eu le Thunder et Timberwolves, entre outsiders. On aura aussi un plus intéressant, quand même, un Cleveland-Toronto, entre les 2e et 3e de l'Est. Ça sera jeudi. Et aussi, on aura le Toronto qui enchaînera derrière avec les Warriors le samedi. Donc, encore une affiche assez intéressante pour les Raptors. Ok, au handball, championnat d'Europe de handball qui va commencer donc vendredi. Suède, Islande, Croatie, Serbie. Donc, gros choc, ces deux gros chocs là. Bélarus, Autriche dans le groupe de la France. Et la France affrontera la Norvège. Samedi, Allemagne, Monténégro, Macédoine, Slovénie, Espagne, Tchéquie, Danemark, Hongrie. Et dimanche, retour du groupe A et B, Serbie, Suède, Croatie, Islande ou encore Autriche, France. Voilà. En sport mécanique, à noter qu'il y a le Dakar actuellement. On n'en a pas parlé aujourd'hui, on est désolé. Mais bah déjà, je ne suis pas très spécialiste. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup. Moi non plus. La table du Paris Dakar. Ne vous inquiétez pas, Peter Hansel. Elle est déjà en tête. Ah bon, ouais, ça ne change pas. On n'est plus 92. Donc, étape en ce moment au Pérou et arrivée en Bolivie cette semaine également. La fin, ça sera le 20 janvier. Donc, on a encore le temps de voir venir. Oui, sport de glisse, on en parlait. Donc, chez les hommes, combiné, descente et slalom ce week-end à Wengen en Suisse. Et chez les femmes, descente et super G à Bad Kleinkirchheim en Autriche. Très bel accent. Ouais, c'est maîtrisé. Et dès demain, le slalom à Flachau aussi en Autriche également. Pour les filles. Merci. Non, mais il faut le préciser. En tennis, chez les hommes, l'ATP 250 de Sydney ainsi que celui de Auckland. Et chez les femmes, ATP WTA 250 de Sydney et d'Hobart. D'ailleurs, Hobart, Alizé Cornet en parlait, elle avait gagné Hobart. L'un des rares trophées qu'elle avait gagné. Autre sport, non ? Pas de boxe, quoi que ce soit, pas de majeur pour l'instant. Peut-être pas de sport sorti nulle part. Une info à confirmer, un combat qui va sûrement se faire au courant de l'année, ce sera Golovkin contre Billy Joe Saunders, qui est un très grand espoir de la catégorie, un anglais aussi invaincu. Donc ça, si ça se fait, ça peut être un très beau combat. Puis on en a parlé au cours de cette émission du biathlon à partir du 10 janvier à Ruppolding, donc c'est la classique hein, après Oberhof, l'individuel, la Mastart masculine, et la même chose chez les femmes. On va faire notre donc, pronostic. Je n'ai pas trouvé mieux que Liverpool City. Je suis désolé, il n'y a pas grand chose, je trouve. D'accord, moi bon, c'est facile. On aurait pu faire ma chère Exeter. On aurait pu faire ouais, ça aussi. Ouais, pour moi, il n'y aura pas de points déjà que j'aime pas beaucoup. on va faire la première ligue. C'est gentil. On a parlé beaucoup en plus aujourd'hui. Liverpool City, donc bah, justement, tu commences. Allez, je commence, je suis chaud. De toute façon, allez, 2-1 pour City. Oh, tu. Ah, désolé. Tu peux faire pareil, hein. Ouais, non, mais c'est à part pas si t'as pas de personnalité, quoi. Mais ça rigole, c'est sévère, ça dit, ça enchaîne. Rigole. Allez, j'ai changé. 2-2. Allez. 2-2. Okay. Voilà, j'aime ça. C'est original. Dimitri. 2-1 pour Liverpool. Allez, c'est le moment de les faire tomber avec Virgil van Dijk, la défense sera là. 2-1 pour Liverpool. Ouais, mais après, il y a Mignolet derrière. Donc bon, et Romain. Ça calme. Et 3-1 pour City. Allez, on se tente. 3-1 pour City. Moi, je m'en fous si je mets comme les autres. Je mets comme toi, Guillaume. 2-1 pour. Après, tu suis le modèle, quoi, c'est normal. Ouais, l'élève qui gagne pas beaucoup de points en quiz, malheureusement. Ouais, c'est vrai, mais bon, je suis quand même le bon. Voilà. Les pronostics sont faits. On va terminer avec les remerciements. Merci à la technique, évidemment, comme d'habitude. C'est oui. Tom ce soir qui nous aide. Toujours aussi fun, toujours aussi souriant. Il apporte sa jovialité dès 2018, et ça, c'est agréable. Ouais. Correct. Jean-Pierre Foucault. Ça me donne espoir en cette année, tiens. D'accord. T'es dur, Bernard. Voilà. Après, merci à nos matchers, à nos sponsors, à nos sponsors évidemment, à nos chroniqueurs d'être venus ce soir, et mais aussi à Romain qui était par téléphone et que nous retrouvons bientôt donc sur Sport & Chill avec grand plaisir. Et merci au chef d'orchestre. À France Gall, une pensée pour elle aussi qui va nous manquer. Qui a dirigé aussi. De main de maître. Et voilà, merci à nos auditeurs de nous avoir écoutés. Je passe d'ailleurs le petit bonjour à Fantine qui nous écoute en ce moment et qui m'envoie des messages. Merci ma Fantine. Qui joue au quiz avec nous, voilà. Toujours présente. Je pense que j'ai tout dit. Ouais. À moins que vous voulez faire des remerciements vous aussi, on a encore un tout petit peu c'est le temps. Bon, courage à agacer pour la tâche qui lui incombe. Allez, c'était tellement il va avoir besoin. Ouais. On va terminer sur le son de la semaine. C'est vu qu'on a parlé du sport d'hiver, on va parler donc de Alexis Pinturo et c'est un son donc Alexis Pinturo qui gagne le géant de Val d'Isère donc cette année, enfin ouais. L'année dernière devant Marcel Hirschfeld. On espère que ça va se reproduire cette année aux Jeux Olympiques. On se retrouve lundi prochain pour une émission spéciale, enfin une émission spéciale, une émission avec le Krebs. On va parler de wakeboard. Donc lundi prochain 19h-21h sur Radio Campus Montpellier. Salut. See you soon, les poulets. Merci à vous les gars. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Bonne semaine. Par neuf. Il a été sur le podium des 8 derniers géants. Il en a remporté 5. Alexis Pinturo, 67 centièmes d'avance sur Marcel Hirscher. Voilà, Alexis, il a découpé cette première manche. Alors maintenant, bah, bien sûr qu'il est au courant allez, à peu près de la perf de Marcel Hirscher. Il sait qu'il ne faut pas traîner en chemin. C'est parti absolument d'une façon magistrale de la part de... Voilà, regardez, il arrive encore à prendre du temps. On le disait tout à l'heure, quand on voit Marcel Hirscher, on se dit c'est impossible de faire mieux. Et bien, Alexis, il y arrive. Allez, guerrier, il, il est parfait pour l'instant, il est parfait. Il a été géant, même super géant sur le haut du tracé la semaine dernière avant de sortir. Il était troisième du géant sur l'oreiller Kili. Il a toujours du vert, toujours 53 centièmes d'avance par rapport à Marcel Hirscher. Voilà, c'est bien, il faut rester, garder de la hauteur. C'est bien, la banane, elle est bien négociée. Il va rester dans le match. Hein, ces deux grands champions, c'est juste incroyable. La prestation, le niveau de ski. Là, et chez Jean-Claude Killy, il va aller chercher sa 17e victoire en Coupe du Monde, peut-être sa 6e victoire lors des 9 derniers géants, son 9e podium consécutif. Cet homme est extraordinaire. Alexis Pinturo s'était broyé la main à l'entraînement jeudi. Deux jours plus tard, c'est lui le patron. 17e victoire en Coupe du Monde. Et il vient inquiéter le maître. Grande structurelle d'intemporalité. Je crois que c'est comme ça que m'avait défini mon grand maître, M. Stupalacci. Radio Campus Montpellier. Parce que t'as eu ton bac. 102.2. Jacques est emballé.